Vous ayez peur d'être minoritaire culturellement. Non, mais n'ayez pas peur de ça parce que ça va se passer. Toutes les études démontrent que les migrants dont vous parlez s'intègrent et deviennent d'une certaine façon plus français que les Français. C'est eux qui ensuite assument les vertus françaises. Moi, personnellement, cette théorie du grand remplacement, ça n'est pas la mienne. C'est une théorie qui est fantasmatique, conspirationniste, raciste, raciste au dernier degré. Que Dieu tue les blancs! Que Dieu vous tue! Bonjour à tous, chers amis. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 2, épisode 41. Épisode 41. Vous l'aurez remarqué, hein, j'ai une petite voix, c'est normal, j'ai attrapé un mauvais virus. Bon, ben vous m'en voudrez pas. Avant de présenter les membres de cette semaine, je vais faire un rappel quotidien. Régulier, récurrent, d'autant pour moi, je ne sais pas pourquoi je dis quotidien, bref, peu importe. Vous pouvez nous écrire à démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru, et vous pouvez aussi consulter notre site internet démocratieparticipative.biz. Donc on a été absent pendant 2 semaines, j'ai eu des emmerdes techniques, donc je vous le dis, voilà. Du coup, ça a bloqué pas mal de choses. J'espère que vous ne nous en voudrez pas, mais je pense que vous ne nous en voulez pas. Alors, présentation des membres de la semaine, hein, pour ce grand retour, finalement, sur les ondes. Je commence avec Derek. Comment vas-tu, cher Derek, pour cette reprise, finalement? Ouais, bah ça va. Hein. Ça va mieux que toi, apparemment, donc tout va bien. Ouais, je suis un tubard, moi, c'est bon, je suis... ouais, non, c'est bon. Frédéric Danlévier est aussi avec nous, et il va, je crois, briller de mille feux, hein. Tu vas faire couler la haine à plein feu. Aussi. Non, ah. Bonjour tout le monde, bonjour aux auditeurs, pardon. J'espère et auditrices, et auditrices. Oui, moi, en tout cas, c'est pleine forme, je pense qu'effectivement, on va avoir une deuxième partie intéressante. On va se faire des amis. Oui. Oui, non, ça, malheureusement... De toute façon, c'est pas tellement l'objet de l'émission, hein. Donc, bon, hein, ça ira. Popovic est avec nous, salut Poro, comment vas-tu? Shalom alaikum à tous, je suis content qu'on soit de retour après 2 petites semaines d'entracte, et puis voilà, bonjour à tous. Faut savoir se faire désirer aussi, hein, c'est important. On a Frodon avec nous qui nous rejoint, il avait déjà participé une fois, Frodon, salut Frodon. Non, peut-être plus que ça, mais d'ailleurs... C'est ma troisième participation, exactement. Ah, il compte. Bah, c'est des... Comme... On compte pas les bonnes choses, mais celles-ci, je les compte. Il se fait un tatouage à chaque fois. C'est voilà, ça, c'est un bâton sur le bras. Ravi de retrouver tout le monde, ravi de retrouver les auditeurs, et en espérant qu'ils sont également ravis de nous retrouver de leur côté. Non, mais on sait que tu viens pour les auditrices, hein. C'est pas la peine de faire semblant. Tu nous auras pas, Frodon, tu nous auras pas. Je suis démasqué. Je suis démasqué, ouais. Alors, Fulbert est aussi avec nous. Salut Fulbert, depuis sa cave, comment vas-tu? Oh, mais tout va bien. Bonjour à tous. Tout va très bien. Formidable. Madame la Marquise, Gimli est aussi présent. Ça va, Gimli? Salut Gandalf, oui, ça va bien. Pareil que tout le monde, bien content de revenir après cette interlude. Et bien content de retrouver les auditeurs pour un rythme de plus en plus soutenu à pas moins de 88 pas par minute. C'est précis au moins, c'est précis. Argyle est aussi là. Comment vas-tu, Argyle? Eh bien, écoute, ça va. Je vous retrouve avec grand plaisir, avec plein de testostérone, plein d'envie, tel un Gilbert Rozon dans les coulisses des Kids United. Voilà, je suis prêt à y aller. Ah bah, je pense que tu seras en effet au top. Et enfin, on a Hopman America qui est avec nous et qui va qui va être un peu au centre de la deuxième partie. Vous allez voir de quoi il retourne. Salut Hopman. Salut Gandalf, salut les copains, salut les auditeurs, comme tout le monde. Ça fait plaisir de revenir parmi vous. Alors, je vais quand même faire un petit teaser là, quand même pour nos auditeurs. On va parler d'Europe de l'Est et d'Europe centrale. Et on va essayer de casser quelques idées reçues. On va voir. Alors, vous voyez, hein, bon, l'équipe est fournie cette semaine, c'est très bien. Et donc, je vais devoir gérer cette parole, je veux le croire, qui sera ample, souple, riche. Alors, première rubrique, autisme radical. Deux sujets dans cette première rubrique. Je commence alors avec Gérard Filoche. Alors, Gérard Filoche, du Parti Socialiste. Alors, lui, il incarne l'aile stalinienne du Parti Socialiste. Je ne savais pas que ça existait. Moi, j'ai découvert ça au fil des mois qui passaient. Enfin, ça faisait un peu plus d'un an, deux ans que Gérard Filoche... Oui, enfin, plus particulièrement, l'aile stalinisme et diabète. Ah d'accord, d'accord. Oui, il faut préciser. Ah, il égayait ma timeline Twitter. Hein. C'est vrai que je voyais... Enfin, jusqu'à ce qu'il me vire, en fait. Il m'a viré assez tôt, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'avais dit que c'était un gros con, un truc comme ça. Bref, peu importe. Et alors, notre ami Gérard, Gérard, en fait, il a laissé libre cours, en fait, à sa colère. Et ça lui a valu quelques petits soucis. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe avec Gérard? Gérard, en fait, depuis la défaite de Hollande, qu'il a souhaité très très fort quand même, il était un peu paumé et il s'est mis à relayer des images, des montages photos de Alain Soral. Hein, Alain Soral, égalité et réconciliation. Alors, en fait, qui a envie de me parler de ça? Je vais pas tout présenter non plus. Qui a envie de me parler de ces magnifiques photomontages, de les détailler, puis ensuite de revenir en fait sur ce qui s'est passé, quoi. Moi, ça m'a fait marrer, alors je me suis dit, tiens, allez, on va parler un peu de ça. Alors, il faut quand même dire un truc, c'est que Filoche, il a commencé très tôt dans le gauchisme. En fait, même, c'est un gauchiste historique, puisque lui, il vient de la Ligue communiste révolutionnaire dans les années 60. Hein. Donc, c'est vraiment un pur de vrai... Donc, c'est pas Stal, du coup. C'est-à-dire que sa tête a été burinée par le communisme, quand même. Hein, ça... Ça se voit. Peut-être un petit peu le passé. Et le mauvais vin rouge, je pense. Alors, qui veut me présenter un petit peu ça, là? Tiens, Derek, allez, Derek, sacrifie-toi. Vous présentez qui? Ah non, je veux dire... t'es peut-être pas au courant non plus de l'histoire. Si, ouais, je vois, oui. Ouais, je vois qu'il a tweeté la photo de Macron avec le bracelet dollar, enfin, avec les couleurs... qui rappelle le brassard nazi, mais à la place de la svastika, l'emblème du dollar. Et derrière, Drahi, Rothschild et Attali, avec en filigrane le drapeau américain d'un côté, le drapeau israélien de l'autre. C'est le bon gros truc bien gras. Alors oui, alors très, très fin d'ailleurs. Il a dit, je crois qu'il a agrémenté son tweet qui reprend cette photo. Les Français vont découvrir, je crois, que Macron et je sais pas quoi, pourquoi le président des riches ou. Oui, un sale type, les Français vont le savoir, tous ensemble, etc. Un sale type, voilà. Alors, du coup, ça a déclenché un torrent de réactions en haut lieu, hein. Je crois qu'on peut le dire ça comme ça. Donc dans la synagogue, hein, on peut. Bon, voilà, ça a bardé. Moi, j'ai vu... ça allait très vite, parce que sur Tribune Juive, moi, j'ai vu des appels je crois, si je me rappelle bien, à faire disparaître de la scène politique cet antisémite puant. Dixit, Tribune Juive, très, très, très, très à l'aise sur le sujet. Hein. Alors, Alain Soral ne doit pas être mécontent de son petit coup de... Voilà. Hein. Et Gérard Filoche... Alors, l'ironie de l'histoire, c'est que c'est un bougnoul qui a dit qu'il allait... en tant que responsable de... je sais pas quoi, du truc dans les instances du PS, et le bougnoul allait s'occuper du cas de Filoche, donc effectivement, ancien trotskiste pastalinien, mais qui parle comme un Stal, par contre, et qui, comment dirais-je, elle allait s'occuper de son cas, donc il va être purgé à quel âge, Filoche? Quel âge il a? Il a pas loin de 70 balais, celui-là, non? Il est pas né d'hier, hein, Filoche, hein. Je pense, ouais, il est pas loin de 70. C'est un symbole, en fait, un maghrébin qui vire... un vieux socialiste, c'est à peu près ce qui va se passer, je pense, pour la plupart des socialistes. Je sais qu'en Belgique, c'est ce qu'ils ont fait à certains endroits, sur certaines listes municipales. Je crois même que c'était à Molenbeek, En fait, en Belgique, je crois qu'aux élections municipales, Fulbert pourrait en parler, à Molenbeek, ils s'étaient fait élire des maghrébins, des musulmans s'étaient fait élire sur la liste du Parti Socialiste. Et en fait, ils avaient réussi à virer les socialistes après, une fois qu'ils avaient été élus, les blancs qui restaient, quoi. Donc je pense qu'au Parti Socialiste, c'est un peu ce qui va arriver, c'est qu'ils vont être virés les uns après les autres par des maghrébins. Je pense que c'est l'avenir. Alors, viré par des maghrébins sur ordre des juifs, hein. Précisons le cas quand même, je dirais. Oui, oui, pas oublier les donneurs d'ordre, évidemment. Ah bah oui, non mais alors, je sais pas ce qui est passé dans la tête de Filoche, parce qu'il a... enfin, il y avait Attali quand même sur la photo, alors Attali au Parti Socialiste, c'est un peu une vache sacrée, quoi. Et bon, la critique d'Israël et la critique de la finance internationale et d'Attali au Parti Socialiste, je sais pas ce qui a... En fait, deux questions. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Gérard Filoche? Et deuxièmement, pourquoi se découvre-t-il antisémite après 50 ans de socialisme et peut-être 30 ans de Parti Socialiste à précisément polir le nœud Je crois que c'est simplement la quantité de bougnoules. Hein. Voilà, moi je pense que c'est simple. Je ne sais pas dans le cas de Filoche en particulier, mais c'est clair qu'on va avoir un gros mouvement d'opportunisme de la part de tous les socialistes de la planète, d'ailleurs, dans les pays occidentaux, qui vont petit à petit se coaliser totalement avec les métèques. Et là, Filoche, est-ce qu'il exprime ça est-ce qu'il a réfléchi ou est-ce que c'est instinctif? On ne sait pas, mais bon. Ouais. Ah, mais de toute façon, là, en ce moment, d'ailleurs, avec l'affaire Plenel et tout, on ne va pas y revenir, mais on sent que de toute façon, bon, on en avait parlé dans l'émission, dans une émission précédente, on avait abordé le sujet. Ça s'est amplifié entre-temps parce qu'il y a eu l'affaire Tariq Ramadan, enfin les histoires de cul de Tariq Ramadan, mais qui se sont couplées à d'autres choses parce qu'en fait, avec Charlie Hebdo, voilà, tout ça, Valls, Forest. Bon, c'est vrai que cette manche-là, elle a été remportée par les ennemis, enfin par les juifs en fait, elle a été remportée par les juifs. Mais c'est une bataille défensive qu'ils ont remportée, mais qui sera de courte durée parce que la démographie étant ce qu'elle est, la démographie militante et électorale du Parti Socialiste et de la gauche en général étant ce qu'elle est, il est très clair que, effectivement, des petits photons montent. Enfin, au bout d'un moment, c'est-à-dire que le fait de... Si le Parti Socialiste vire des responsables parce qu'il colle des images comme ça, au bout d'un moment, il y aura des crises internes. Et c'est ces dirigeants-là qui se feront putcher, quoi. C'est-à-dire que l'avenir de Valls à gauche me semble quand même relativement derrière lui, quoi. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, quoi. Ouais, Argyle, vas-y. Ouais, bon, faut dire aussi que Filoche, il avait réussi à se mettre à peu près tout le monde à dos au Parti Socialiste. Hein. Il a dégueulé sur tous ses adversaires lors de la primaire. Donc, à mon avis, il y en a qui ont dû se frotter les mains, qui devaient attendre l'occasion de se débarrasser. C'était un peu le caillou dans la chaussure parce qu'il avait balancé quelques trucs. Lui, il n'avait pas fait la primaire socialiste. Il n'avait pas fait de manière feutrée. Il y était allé, il aurait rentré dans la gueule. Donc, tu vois, il y a dû avoir, à mon avis, aussi un petit retour du bâton. Et tous les autres doivent être très contents de se débarrasser de ce dinosaure trotskiste qui leur a craché à la gueule pendant les primaires. Et vu qu'il représente, je crois qu'il a fait royalement 1%. Ça ne va pas créer de remous au Parti Socialiste. Par contre, il risque d'être accueilli à bras ouverts au sein de la mouvance Mélenchon-Bouteldja, hein, au Bono, quoi. Hein, ça... Ce qu'il y a, c'est que bon, les places sont chères peut-être là-bas, puis tu sais, entre trotskistes, entre maoïstes, tout ça, ils s'entretuent allègrement, donc je ne sais pas s'il y a un passif aussi avec Mélenchon. Ce petit monde-là n'est pas forcément très uni. Oui, c'est certain. Donc c'était la petite anecdote, Filoche. Bon, c'est pas quelqu'un de très important, mais c'est vrai que c'est quelqu'un, par contre, qui a existé en marge du PS pendant ces dernières années, en fait. C'était un peu le contrarien, quoi, hein, du PS, quoi. Il était systématiquement contre tous. Et c'est marrant de le voir, en fait, sur une histoire de d'antisémitisme, quoi. C'est assez rigolo. Une crise de soralisme bougnoulique. Bah totalement, ouais, non mais totalement. Alors, sujet numéro 2, chers amis, c'est Elina Dumont, que je ne connaissais pas, qui est pour les prières de rue et qui l'a fait savoir sur l'émission Les Grandes Gueules, Émission assez symptomatique d'ailleurs de la beaufrie française, faut quand même bien le souligner. Et quand je dis beaufrie, c'est la beaufrie de gauche. Hein. On est d'accord. Hein. Alors voici ce qu'elle nous dit Elina, et on l'écoute, et on se retrouve pour commenter. Moi, eh ben non, ça ne me choque pas. Moi, j'ai jamais été choqué par les prières de rue. Je les vois depuis que je suis à Paris. Ensuite, les prières de rue. Dans quel arrondissement C'était le 11e. Non, là, je suis pas dans le 11e, ouais. Mais c'est dans le 11e que je les voyais. Il y en a eu aussi rue Mira. Il y a eu une histoire rue Mira dans le 18e. Et aussi, je tiens à dire que les prières de rue, c'est pas tous les jours. C'est le vendredi. Et que je pense que toutes ces tensions aussi sont liées à des mauvaises informations, puisqu'il y a eu l'histoire du tract. Vous êtes au courant. C'est quoi cette histoire de tract? Tu sais que il y a un tract qui circulait. Et voilà. Et c'était quelqu'un en fait qui était anti-islam. C'était plutôt d'extrême droite qui avait fait circuler ce tract. Comme quoi, il y avait des documents qui avaient été récupérés pendant la prière en disant si vous voyez des mécréants, tuez-les. Si vous voyez des juifs, tuez-les. Voilà. Or, ça ne venait pas du tout des fidèles, ça venait de gens d'extrême droite. C'est un tract un peu manipulé. Voilà. Et il y a eu ce youtubeur là qui s'appelle Aldo. Cléron, je ne sais pas si je prononce bien, Malchon, et d'ailleurs l'association des musulmans a porté plainte, et elle a bien fait, et moi je ne comprends pas pourquoi ils ont fermé la salle, puisque c'est pour en ouvrir une autre à je ne sais pas combien de kilomètres. Un kilomètre et demi. Existait déjà, hein, ouais. Non mais je ne comprends pas très bien quoi. Donc on peut se poser la question. Donc de tu ne comprends façon. Pas en fait, tu as l'impression que le maire il veut éloigner les musulmans c'est un peu comme les SDF quoi. Oh là là, ils sont trop proches de Paris, on va les éloigner à Nanterre, tu vois. C'est à peu près pareil. Et oui mais en même temps... En plus, excuse-moi, les prières de rue, c'est hyper encadré, hein. Oui, non, mais d'accord. Mais Elina Dumont, est-ce que c'est vraiment l'image qu'on veut renvoyer de la République, que ça soit d'ailleurs des prières de rue musulmanes ou autres? Est-ce que c'est vraiment la rue est faite pour ça? Est-ce que l'espace public est fait pour ça? Absolument. Est-ce que cette image, tu crois que c'est une image qui en plus permet aux musulmans de vivre en sérénité? Olivier, si on en arrive là, je pense que si ils prient dans la rue, moi ça excite tout le monde, je pense. Hein. Ben, oui, ça excite tout le monde, mais mauvais escient. Parce que moi j'en connais des musulmans, ils prient chez eux. Mmh. Eux, s'ils prient dans la rue, c'est parce qu'ils n'ont pas d'endroit pour prier. Mais la plupart des gens, ils prient dans une mosquée. Alors, les gars, alors moi je vous dis, hein, quand je l'ai écouté la première fois, je me suis dit... Oula, on dirait une espèce de tubarde qui sort du bois de Boulogne à 6h30 du matin. Oulala, quoi. Mais sincèrement, je me suis dit ça. Je me suis dit, la vache, c'est pas possible. Elle sort vraiment d'une nuit de passe, en tirant sur la clope et en startinant la gueule rosée, quoi. C'est pas possible, quoi. Et en fait, j'ai découvert son CV à cette femme-là. Mais je vais vous garder ça pour la suite, si vous le voulez bien. Alors donc la prise de position, hein, c'est oui les prières de rue et Aldo Cléron, c'est assez lamentable quand même. Bah c'est une vieille connasse française qui doit certainement être très excité par le fait que des Africains, des Bounioux, je ne sais pas quoi, débarquent en masse pour éventuellement lui mettre un coup au cul entre deux bouteilles de rosé, comme tu dis. Donc oui, c'est voilà, avec une voix vraiment des plus délicieuses, hein, comme vous avez pu le constater. La même voix que Gandalf. Oui, non, je crois que c'est la poubelle qui s'exprime directement. Hein. C'est-à-dire, vous prenez une poubelle, vous lui donnez un micro, c'est bon, quoi. Alors, le journal La Croix, le journal La Croix, mais au secours, quoi, était revenu sur le parcours de cette femme extraordinaire, hein, cette femme qui m'a séduit tout de suite. Voici ce que nous dit La Croix. À l'âge de 2 ans, sa mère, en prise à l'alcool et à la schizophrénie, la confie à la DAS. Donc, imaginez le tableau, quoi. Elle trouve une famille d'accueil à la campagne, dans le Perche. À 10 ans, elle apprend par sa tutrice le décès de celle qui l'a mise au monde. Un peu plus tard, à l'adolescence, son corps devient un objet dont des paysans du village disposent, dit-elle, pendant 6 ans. Elle fugue, échoue sur les trottoirs parisiens, tantôt hébergée chez des connaissances, tantôt livrée à elle-même et à ses addictions. Donc en gros, elle se bite sur la gueule, probablement passée à l'héro et à la coke. Enfin, vous imaginez, quoi. C'est pire que ce qu'on imaginait. Ouais, voilà. Dans les sphères médiatiques et institutionnelles, Elina Dumont devient ce qu'on appelle une bonne cliente. Sa belle devanture, comme elle l'appelle, conservée au prix de 4 ans de soins dentaires, inspire confiance et elle le sait. Oui, donc c'est tu. Non, mais bon, voilà. Je vous épargnerai mes commentaires. La croix. Hein. Attention. Oui, voilà, le journal des catholiques français, effectivement. Ah ouais, c'est très en pointe de la spiritualité, ça, c'est merveilleux. Oui, ben voilà. Alors donc, bon, alors, Elina Dumont. Elle fait quelque chose dans la vie ou... C'est une ancienne pute toxico-SDF qui est devenue, alors, apparemment qui est devenue actrice, j'ai vu ça. Alors j'imagine qu'elle a mis ses talents marcheuse du trottoir, n'est-ce pas, pour accéder à quelques rôles mineurs dans je ne sais quoi, mais j'imagine que ça doit pas être... Ça devait être il y a longtemps, je pense. Ah, mais bref, elle a dû faire des trucs absolument atroces. Et donc, on va lui demander, à cette femme-là, on va lui demander conseil sur des questions politiques, sociales, alors comment gérer alors la présence de l'islam, les prières de rue. Alors, c'est quelqu'un à qui on doit demander son avis. Quand j'avais dit la poubelle tout à l'heure, j'étais même pas au courant de tout ça. Effectivement, c'est littéralement, on s'adresse à une poubelle, quoi. La fausse sceptique. Derrick. Ouais, alors oui, déjà, demander conseil en politique à une femme, je vois pas bien l'intérêt. Hein. Mais là, avec son pédigré, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Il faut noter aussi, donc sa mère était schizophrène, c'est ça, elle a abandonné à 2 ans, quelque chose comme ça. Schizophrène et alcoolique, confiée à la DAS à 2 ans. Bon, c'est pas de sa faute, mais voilà. Les maladies mentales se transmettent. Hein, c'est oui, je crois qu'elle tient de maman. Oui, voilà. Oui, c'est quelque chose qui se... la schizophrénie, ça fait un point commun avec l'Algérie, ça, par contre. Hein. Oui, non. Peut-être papa. Oui, parce qu'il y a une gueule bizarre, un peu, hein, effectivement. Mais d'où l'intérêt de rappeler les vertus du saint-eugénisme. Hein. Voilà. Bah, c'est assez... Non, mais c'est... Ouais, je pense qu'elle a quand même... Elle a un rôle de porteuse d'espoir, parce qu'en fait, ça montre que... Et pour les femmes françaises, ça peut être utile. Je veux dire, elles sont à un niveau maintenant tellement... Voilà. Alors, ça montre que tu peux être une pute toxico sur le trottoir, à passer entre tous les paysans du village à 10 ans, et tu peux quand même arriver à la télé à donner des conseils, effectivement, sur la gestion politique du pays. Donc, c'est un grand message d'espoir. Je pense que la Croix l'a compris. Merci, les chrétiens de France, hein, n'est-ce pas ? Nous allons de l'avant. Voilà, super. Oui, bah, un formidable message pour les plus jeunes. C'est-à-dire que, oui, dans la France de Saint-Louis, dans l'ancienne France de Saint-Louis, les putes avinées et passablement défoncées à l'héroïne expliquent comment gérer, en fait, une invasion islamique. Oui, c'est... Sur les grandes gueules, alors émission moi je trouve que les grandes gueules c'est vraiment une émission de merde, mais j'aime pas cette émission quoi. Non, mais je veux dire avec le truc c'est qu'avec un background pareil, la nana là, en gros tu lui files un billet de 50 boules, c'est réglé, elle raconte ce que tu veux quoi. Je veux dire il y a pas de. Bah oui. Quelque part c'est pratique. C'est-à-dire tu amènes, non mais le concept d'amener. Des gonzesses dont la carrière c'est pute, toxico, schizophrène, je ne sais pas quoi, tu vois. C'est ça qui est bien, c'est-à-dire tu leur files un bifton et elles te racontent absolument ce que tu veux, quoi. Donc, tu crois que pour 50 euros, il y a un discours de démocratie participative ? Non mais je veux dire, elle parlait vraiment avec le cœur, hein, pour le coup. Hein. Je pense qu'à force de sucer des chibres algériens sur le trottoir pendant 25 ans à Paris, tu vois, au bout d'un moment, il y a un petit côté affectif, tu vois, qui se crée quand même, quoi. Alors, Derrick voulait parler, ensuite Porovitch. Ouais, donc l'émission Grande Gueule, c'est vrai que que ce soit les commentateurs, enfin les animateurs, on va dire, et les sociétaires, un petit peu comme les grosses têtes, ce sont des cosmopolites acharnés, quoi, hein, les types, hein, sous leurs paroles un petit peu détendues, à chaque fois, ça te ventile du nègre, du métèque, des PD, etc. etc. Qu'est-ce que j'avais un autre truc à dire, mais j'ai oublié. Ouais. Donc, c'est-à-dire, sous l'apparente bonhomie de l'émission, on sent bien le gant de fer de l'idéologie officielle. Ouais, alors ça me revient, le fait qu'elle ait aussi appelé, qu'elle se soit réjouie du fait que des associations musulmanes, hein, donc islamistes, aient porté plainte contre Aldo Clérone, hein, n'est-ce pas ? Donc, Aldo Clérone, qui en fait juste le type a sorti des... donc c'est ceux qui ne connaissent pas, c'est un Algérien qui habite à Londres, je crois, qui fait des vidéos sur YouTube, et qui avait noté que dans les prêches de ces types-là qui allaient faire des prières de rue, il y avait des appels à peine voilés à égorger tout le monde. Donc le type parle en arabe, il peut faire les traductions, il sait de quoi il en ressort, et donc pour elle c'est normal qu'on porte plainte parce que c'est méchant, voilà. C'est très français ça, hein, très très révolutionnaire de vouloir couper les têtes, hein. Bah oui, c'est effectivement très français de vouloir aller parler aux flics, effectivement, voilà, c'est pour parler de son voisin. Ah, il est un peu de droite, ce monsieur-là. Oui, c'est... Porovitch. Je connais pas bien cette émission, là. Les grandes gueules, c'est quoi ? C'est une émission humoristique ? Enfin, je veux dire, c'est très bizarre, cet invité. C'est démocratie participative en vachement moins bien. Ah ouais, voilà. Ouais, non, parce que c'est fou, quoi, d'inviter une meuf comme ça pour donner son avis de merde, venir faire sa grosse gauchiasse, là. Bah c'est les invités de marque à la française au XXIe siècle, quoi, je veux dire. Oui, oui, c'est franchement le côté, c'est-à-dire le côté Segeto, Zola, Kraspek, façon Choron. Bah quand tu te shootes à ça pendant 100 ans, bah tu termines en fait, tu vois, avec effectivement des putes qui te vendent la conquête islamique. Hein. C'est-à-dire, il y a pas de hasard. Hein. Je suis pas convaincu que dans le reste du monde occidental t'es des vieilles putains qui passent à la radio, tu vois, pour te dire où doit aller ta civilisation. Enfin, moi, sur les médias anglo-saxons, vous voyez, des trucs comme ça, j'en ai jamais entendu, quoi. Enfin, à ma connaissance, hein. Argyle. Ah non, Gimli, et ensuite Argyle. Oui, moi, je voudrais appeler au calme, quand même, parce qu'elle a raison, les prières de rue, c'est seulement le vendredi. Bon, oui. s'ils gardent des jours pour faire leurs choses, par exemple, vous voyez, l'attentat le lundi... Aïd El Kébir le mardi, les prières le vendredi, tout ça. Bon, ça nous laisse quand même 4 jours pour faire nos affaires. Écoutez, ça reste quand même organisé, quoi. Je veux dire, c'est voilà, bien. Et puis oui. c'est encadré, effectivement. Que ce soit illégal, est-ce que c'est vraiment la question, quelque part ? Est-ce qu'il vaut mieux pas être ouvert au-delà des différences ? Je me suis trompé d'émission, non ? Bah, les putes, bon, les Arabes, ils savent s'arranger avec ça. Donc... Je me suis peut-être trompé d'émission, oui, pardon. Je sais pas. Argyle. Oui, pour revenir sur les grandes gueules, en fait, la supercherie de cette émission, c'est de faire croire qu'ils sont politiquement incorrects. On invite des gens qui vont dire des choses qui sortent en fait du discours ambiant des anticonformistes. Alors qu'au contraire, en fait, sous prétexte, sous l'illusion de donner la parole à des gens sur des sujets, on va dire, clivants, qui vont avoir un avis différent, et en fait, c'est pour mieux enrober le discours de l'émission, globale de l'émission, avec des gens qui font semblant d'être un peu réactionnaires sur certains sujets, tout ça pour entraîner, enfin pour finalement amener au fait de faire dire à ces gens le discours habituel, tout en faisant croire qu'ils ont poussé un coup de gueule. Donc en fait, voilà, c'est une tromperie, c'est pas les grandes gueules, c'est les couchés, les soumis, qui emballent leur émission en faisant croire qu'ils sont réactifs. Alors, il y a Frodon qui veut parler aussi. Ouais, je suis bien d'accord avec Argyle. J'aimerais rajouter un petit truc sur la vidéo d'Aldo dont elle parle. Je ne sais pas si vous l'avez vue, si les auditeurs l'ont vue. C'est une vidéo très pédagogique et ça mériterait vraiment de mettre le discours de la nana en parallèle de la vidéo d'Aldo en même temps pour savoir lequel des deux dit vraiment de la merde, quoi. Parce que... Ah bon, enfin, tu vois la vidéo d'Aldo, t'as deux ou trois mecs qui se font arrêter en Syrie, ils ont rien demandé à personne, et ils vont se faire exécuter, et le dernier truc qu'ils entendent, c'est ce que le mec dans les rues de Paris est en train de dire. et ça te met juste un peu l'ambiance sur l'avenir proche, tout simplement, quoi, ce qui va se passer. Ouais, très intéressant. Faudrait essayer de faire ça, effectivement. Alors, avant d'enchaîner avec le sujet suivant, moi j'ai remarqué dans les grandes gueules, tu parlais justement d'espèces de Argyle, de fausses impertinences, de fausses insoumissions et tout. Ouais, les grandes gueules, les mecs, ils ouvrent leur gueule précisément, sans craindre le politiquement correct et les foudres de la bien-pensance en substance, quoi. Et en réalité, pas du tout, quoi. Les types les marchent sur les clous, voilà. Et il y en a un d'entre eux, j'ai remarqué, mais dans le genre immonde, c'est une espèce de gros goré à moustache qui joue le rôle, vous voyez, d'Obélix, quoi. C'est-à-dire que c'est le faux Gaulois de souche, tu vois, qui représente la France profonde, prolétarienne, tu vois, un peu ouvrière, genre... un peu les mecs, tu vois, genre routier, quoi, voilà. Et je connais pas son nom, hein, ce mec-là. Mais c'est une espèce... Lui, c'est le gros Robert qui va se convertir à l'islam parce qu'il est tombé amoureux de, comment dirais-je, d'une Congolaise, quoi. Enfin, pas d'une Congolaise, puisqu'ils sont chrétiennes en général. Enfin, vous me direz, ça évolue. Mais bon, d'une grosse Africaine. Mais j'en ai vu comme ça, moi, en baladant dans Paris. J'ai déjà eu l'occasion d'en voir. Lui, il a vraiment il a la gueule de la soumise, quoi. Avec sa grosse moustache, pour donner le genre. Alors, je sais pas si vous connaissez sa gueule à ce mec-là, mais voilà. Il s'appelle pas Eric Cantona ? Non, ça vient après, mais on va en parler aussi de celui-là. Mais il y aura peut-être quelqu'un qui va réussir à me le resituer. C'est un gros, il fait son quintal, il a sa moustache Obélix. Et alors lui, dès qu'il faut chialer sur les métèques, sur les crouilles, vas-y que je te... Enfin, lui, il est au rendez-vous, quoi. C'est vraiment le gros Robert qui va se convertir à l'islam. C'est lui. Hein. Alors, sans transition. Didier Giraud. Il s'appelle comme ça ? Je crois. Ouais, il a une gueule à s'appeler Didier en plus, quoi. Didier. Eh, Dédé, tu vois, c'est. Ouais. Alors, rubrique numéro 2, les gars. La gauchiasse de la semaine. Éric Cantona. De loin, haut la main. Alors, Éric Cantona est revenu sur les ondes. Alors lui, il fait parler de lui là depuis, parce qu'il a pris la défense passionnée, je crois, de Benzema, Ben Arfa. Enfin, à chaque fois qu'il y a un bougnoule en France, en Ligue 1 ou bien en sélection nationale, qui se fait un peu prendre en défaut, on peut compter sur Cantona pour jouer le témoin de moralité. Et là, il s'est exprimé à nouveau pour cracher sur la France, mais pas pour des raisons qui pourraient être pourraient être compréhensibles. Mais moi, je suis athée et j'ai pas de pays, quoi. Voilà, vous vous sentez pas français ? Non, je me sens pas français parce que si on zoome dans le truc, quoi, c'est-à-dire qu'on part du pays, on rentre dans la région, du nationalisme, on va dans la région, le régionalisme, et puis la ville, et puis son quartier, et puis la rue, et puis sa maison, et puis sa famille, et puis on finit nombriliste, quoi. Ouais. Voilà. Si je dézoome par contre en partant du pays, vous allez du vers pays, le monde. Je vais vers le monde et vers l'univers. Je viens de l'univers, moi. Vous venez de l'univers. Je n'ai pas de pays. Je suis pas de pays. D'accord. Je viens d'une famille. Ma mère est née de parents. Mes parents espagnols, ils sont arrivés après la guerre civile. Côté de mon père de Sardaigne, ils ont fui la pauvreté. Moi, je suis ici, je suis né ici. J'ai mes souvenirs, je me suis construit ici, mais je suis pas français. J'ai vécu en Angleterre, j'ai vécu en Espagne. Aujourd'hui, je vis au Portugal et demain, je vivrai ailleurs. Ouais. Et quel regard vous portez sur la France quand vous êtes au Portugal ou quand vous êtes en Chine, parce que vous étiez en Chine là pendant 2 mois pour un tournage. J'ai aucun regard sur la France quand je décide de vivre à l'étranger. C'est justement pour vivre à l'étranger. Vous n'avez pas de mal du pays. Je vis dans un pays. Quand on est au centre, quand on est dans un pays, on a l'impression que le monde tourne autour de nous, quoi. Qui a envie de dire ce qu'il pense de ces propos de Cantona et puis parler du personnage de Cantona en lui-même? Alors, Derek, vas-y. Non, moi je tenais juste à dire, encore une fois, le saint espagnol a parlé, voilà. Effectivement, Argyle. Ah, je suis pas spécialement étonné, hein, cette espèce de gros gitan dégueulasse d'Éric Cantona, qui a été un joueur médiocre d'ailleurs en France, hein. C'est pour ça qu'il n'aime pas la France, parce que tant qu'il a été en France, à part à Auxerre où il a brillé un petit peu, en fait il s'est planté partout où il est passé. Et il a été récupéré en réussissant miraculeusement en Angleterre. Mais voilà, il a une haine de la France déjà parce que professionnellement, il n'y a pas réussi. Et en plus, c'est un... Bon, voilà, là, il nous fait part de son nomadisme. C'est un nomade, pour moi, c'est une sorte de manouche du showbiz, parce que maintenant, c'est un peu ça. Puis, il a besoin d'exister aussi un petit peu, parce qu'il est, il a réussi, on va dire, quand même un petit peu en football. Et après, tout le reste, bah, c'est un échec. Hein. Je crois que ce monsieur Pain, il joue... Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà joué dans un film, il est totalement nul à chier. Et, par contre, détail qui a son importance, il est maqué avec une maghrébine, hein, avec qui, une Algérienne, je crois, avec qui il a eu des enfants. Donc, ce qui explique aussi son côté tout à fait xénophile, son côté anti-français, anti-blanc. Bon, voilà, c'est une putain de grosse merde, et d'ailleurs, je pense que la France est particulièrement ravie de s'être débarrassée de cette saloperie, donc qu'il aille crever, surtout qu'il est assez gros, hein, il n'a pas du tout réussi à conserver un physique de sportif, donc qu'il aille crever tranquillement dans un pays étranger, on ne versera pas de larmes. Alors, moi j'ai plusieurs choses à dire, parce que ce mec-là, il est assez symptomatique et vous avez qu'à remarquer, c'est quelqu'un que les médias aiment bien interroger. Donc ça doit toujours nous interpeller. C'est-à-dire pourquoi des médias aiment bien interroger quelqu'un, vous voyez. Y en a d'autres, hein, comme ça. Hein, je veux dire, il y a des gens, des clients comme ça qu'ils aiment bien, sur lesquels ils aiment bien revenir. Bon, ça doit toujours, ça doit déclencher un petit peu notre suspicion, quoi. Et alors, Cantona, c'est le type qui se pose en rebelle, en gros. C'est-à-dire que c'est le rebelle, c'est le mec qui ne rentre pas dans les cases, c'est l'image qui se donne, c'est l'image que les médias donnent de lui et que les médias veulent promouvoir de lui. Hein. Et donc, première question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un rebelle? Est-ce que c'est un mec hors système? En tout cas, c'est ce qu'il dit. Premièrement, ce qu'il dit... Et il y a quelques années, il avait fait parler de lui, je ne sais pas si vous avez... Enfin, à plusieurs reprises, il a fait parler de lui, bien sûr, mais sur des questions politiques, ces dernières années, il avait dit notamment « Être français, c'est être révolutionnaire. » On lui avait demandé « C'est quoi être français ?» Et alors, il avait un avis arrêté. C'est-à-dire, il pouvait dire « Voilà, bah, la nationalité française, l'identité française, même je vais vous dire ce que c'est être révolutionnaire. » Alors, être révolutionnaire, bon, bah, du coup, ça c'est ambigu. Pourquoi associer... une rupture politique, enfin l'idée de rupture politique avec un pays, alors c'est vrai qu'en France on aime assez ça depuis la Révolution française, effectivement, associer la nationalité avec un projet politique au détriment de la réalité culturelle et raciale, découpler les deux, effectivement c'est très français, et en France on n'est pas français, on est républicain en réalité. Donc bon, c'était assez redondant, mais lui il l'a dit avec force. Il a dit, voilà, moi je peux vous dire ce que c'est être français, c'est être révolutionnaire. Bon. Et il avait joint en fait un petit peu à ses propos d'autres déclarations. Il avait dit, voilà, il faut retirer son pognon des banques, les banques vont s'effondrer, le système va tomber. Vous rappelez, c'était chez Tadei, il avait lancé cet appel-là, retirer l'argent des banques. Hein. Et ça rentrait d'ailleurs, ça faisait écho à ce que racontaient d'autres gogols comme Chouard à l'époque sur Internet, tous les types comme ça, qui faisaient campagne aussi, je crois, contre l'endettement, vous savez, le standard or, ils voulaient revenir au standard or, il y avait tout un discours comme ça sur les banques, et alors ils avaient cru trouver en Cantona, en fait, le vrai héros du néo-marxisme il y a quelques temps, et en fait, personne ne s'est jamais interrogé de savoir qui était le mec, en fait. Est-ce que ce mec-là est un révolutionnaire zapatiste ou néo-bolivarien? Ou est-ce que c'est un chef d'entreprise, ancien sportif, qui gère une fortune de millions et de millions, qui, comme passe-temps, fait du cinéma, fait de la peinture, quand il s'emmerde un peu, il prend un micro, il dit qu'il crache sur tout le monde. Voilà, c'est-à-dire que le type, en fait, il fait totalement partie du paysage du showbiz, en réalité, quoi. C'est-à-dire que, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il fricote avec les gens du showbiz en permanence, mais c'est quelqu'un qui a ses entrées dans le showbiz. Et donc, il butine, voilà, un coup il est cinéaste, un coup il est peintre, un coup il fait du beach volley, un coup il va vivre, alors il le dit lui-même, alors ça c'est un autre point qui m'intéresse, c'est que le type qui se prétend donc être un mec du peuple, hein, voilà, et qui prend fait et cause pour les mecs du peuple, donc la racaille de banlieue essentiellement maghrébine, hein, là récemment il est revenu sur le cas Evra et tout, machin, enfin pas vraiment, mais il a fait comprendre que de toute façon, voilà... c'était plus ou moins les victimes. Sur Ben Arfa, ça, il s'était exprimé beaucoup plus clairement. Donc le type qui est un révolutionnaire, qui définit la nationalité française, maintenant qui crache sur la France, non, je ne suis pas français, donc finalement, il pouvait la définir, maintenant il l'est plus, bon voilà. C'est un type, il explique aux prolétaires qui écoutent et qui l'admirent, pour certains, en fait, vous savez, le nec plus ultra aujourd'hui, c'est d'être de nulle part en fait. Comme dit BFM TV, d'être un citoyen du monde. Bon, un terme qui veut rien dire. Si vous êtes citoyen, vous êtes citoyen de quelque part par définition. C'est-à-dire que vous devez répondre à des lois. Un citoyen, c'est quelqu'un qui répond aux lois de sa cité, d'accord ? Si vous êtes un citoyen du monde, par définition, vous êtes citoyen de nulle part. Donc c'est une façon déguisée de dire que vous refusez d'être citoyen et de répondre à des lois. Donc vous êtes un anarchiste en fait. Hein. Et donc, on vous présente ça comme étant formidable et tout, alors que c'est juste être un... C'était un mauvais citoyen, par définition, quoi. Et alors, ce mec-là, il dit, écoutez, vous êtes si vous n'êtes pas un peu partout et nulle part, vous n'avez rien compris au film, en fait. Donc, le type vous dit ça avec une grande aisance. Moi, j'étais au Portugal, hier, j'étais en Chine, demain, je ne sais pas où je serai. Ouais. Il parle comme ça. Mais foutez-vous dans la tronche de l'ouvrier de Maubeuge. C'est-à-dire, est-ce que le type, demain, il peut aller en Chine, passer un an, puis après il s'emmerde, il va au Portugal, il va prendre une petite villa au Portugal, et puis dans 3 ans, il sera peut-être ailleurs, voilà, comme le dit Cantona, je serai ailleurs. Cette espèce de nomadisme heureux, vous voyez, mais révolutionnaire quand même, c'est-à-dire quand même du peuple, c'est une escroquerie totale, quoi. Et moi, je trouve que ce mec, je sais pourquoi il est promu dans les grands médias, en fait, c'est parce que, il est l'incarnation du projet Attali, quoi. C'est-à-dire que c'est le nomadisme heureux, voilà, un pays c'est un hôtel, tu visites, t'arrives, tu loues une chambre, tu prends des photos, éventuellement tu baises une pute, ou un ladyboy, hein, ça dépend des goûts, ça évolue, puis ensuite tu te casses, quoi. Moi c'est ça que j'avais envie de dire sur ce mec, c'est une escroquerie totale, et en plus le mec, parce que pour parler comme ça, faut vraiment pas se prendre pour de la merde déjà, vous voyez ? C'est-à-dire que le mec a zéro humilité en fait. Il a zéro humilité. S'il avait de l'humilité, il n'arriverait pas dans son pays d'origine en disant aux gens « je vous emmerde, quoi, je vous emmerde ». Quand il dit « je vous emmerde », il dit « je vous emmerde » à tout le monde. Donc voilà, moi, pour moi, c'est vraiment l'incarnation, en fait. Et contrairement à tout ce qu'il raconte, c'est qu'il a absorbé le pire de la France contemporaine, ce type. Il a absorbé le pire et il a l'impression de ne pas en faire partie. Alors que c'est un concentré, au contraire. Qui veut dire quelque chose là-dessus ? Non, rien de spécial. Sale gueule. Bah sale gueule, ouais, d'Espagnol rouge en plus, quoi. Et en plus, le mec, il s'en fait un titre de gloire. Bon, bref, quoi. Mais non, mais tu sais, c'est le mec qui n'a aucune conscience. Enfin, voilà, il a aucun recul sur lui-même, tu vois. Il est là, effectivement, comme tu dis, il se prend pas pour de la merde. Moi, c'est un personnage qui m'est totalement insupportable, donc je vais pas m'étendre plus là-dessus. Non, non, non, bien évidemment, c'est tout à fait entendu. Alors, chers amis, ça c'est la rubrique numéro 3, si ma mémoire est exacte, parce que on a eu la gauchiasse de la semaine, maintenant c'est la pute à métèque de la semaine. Peut-être que vous ne la connaissez pas, c'est l'affaire Saad Lamjared. Son accusatrice, Laura Prioul, sort du silence. Alors, vous savez, en ce moment, c'est pour ça que ça m'a aussi un petit peu intéressé, en ce moment, là, c'est le grand déballage. Il y a plein d'accusations qui sont faites aux États-Unis et ailleurs. J'ai été agressé, j'ai été violé, j'ai été ploté. Des mecs connus, quoi. Hein, les médias enchaînent en disant, pour vendre du papier, bien sûr, mais aussi pour dire, oui, on va sensibiliser... sur la question du harcèlement sexuel, etc. Bon, un peu une phase, un pic de féminisme, quoi. Et cette fille-là, elle a déballé, elle a ouvert son sac, et elle a sorti son histoire. Alors, donc, la pute à métèque de la semaine dans l'affaire Saad Lamjared, donc c'est Laura Prioul qui sort du silence, qui est citée par Le Parisien. Et comme je vous disais, il y a cette vague de dénonciation. Alors, on va mettre un petit extrait vidéo de l'intéressé, juste pour l'écouter et tout. C'est pour avoir juste un tout petit aperçu. Et ensuite, on se retrouve. On va à l'hôtel, persuadé que les personnes allaient nous rejoindre à l'hôtel pour continuer cette fête, on va dire. J'y vais sereinement. Une fois dans la chambre, on met de la musique. On continuait à danser, à faire la fête, et on était proches. Et à un moment, on s'est tous les deux embrassés, en fait. Et il a voulu me rembrasser, et j'ai tourné la tête. Et ça lui a pas plu. Je me suis fait frapper d'un coup. Et je n'ai pas vraiment compris ce qui se passait sur le moment, parce que dans ma tête, tout était beau et tout se passait bien. J'ai voulu me défendre et cette personne m'a refrappé. Je n'arrivais rien à faire, rien du tout. Il était vraiment trop fort pour moi, sur moi, à me frapper. Et cette personne a fini par me violer. Donc après m'avoir frappée et violée, je me suis enfermée dans la salle de bain. Il fallait que je retourne dans la chambre parce qu'il y avait mon téléphone. Je devais prévenir quelqu'un, je devais appeler quelqu'un. Il me fallait de l'aide. Je ne pouvais rien faire et je suis rentrée dans la chambre. Il se trouve qu'il était normal. Il me demandait « Mais pourquoi tu pleures ? Pourquoi tu t'es blessée ? Qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu veux de la glace ?» Il a appelé pour qu'on m'emmène de la glace. Vraiment très bizarre. Une autre personne complètement. Et du coup, je prenais mes affaires doucement. J'essayais de me rhabiller doucement pour pas réveiller la bête en lui, on peut dire. Et après avoir pris mes affaires, je lui ai regardé dans les yeux et je lui ai dit « Mais tu es un monstre !» Parce que je devais le dire et c'était vraiment très bizarre comme action, on peut dire. Et après lui avoir dit que c'était un monstre, il m'a poussé violemment sur le lit et a arraché mon vêtement qui était vraiment tout arraché. J'étais vraiment sans t-shirt. Il a essayé de me revioler en me touchant, étant couché sur moi, sauf que j'ai saisi sa gorge pour le stopper, en fait. Je l'ai étranglé et il en a fait de même. Il m'a étranglé aussi, mais il serrait tellement fort que je n'arrivais vraiment plus à respirer. Et honnêtement, je vais vous dire, j'ai eu vraiment très peur pour ma vie. J'ai eu vraiment peur de finir comme ça parce que je ne pouvais plus respirer. Je voyais noir, des étoiles, je venais de recevoir je ne sais combien de coups et je venais de me faire violer. Je me suis dit que c'était fini pour moi. Sauf que j'ai réussi à basculer mon agresseur du lit en l'étranglant et en le poussant, et j'ai réussi à m'enfuir de la chambre en courant. Alors, bon, vous l'avez vu, bon, je dis tout de suite. Ça sent l'huile. C'est une française, hein. On est d'accord, hein. C'est pas une. Quand même une sale tronche de beurrette, hein. Bah, c'est pas ça, c'est que. Non, c'est une française, effectivement, et la tête. Enfin, ouais, je pense pas que ce soit beurrette. Non, c'est pas une beurrette, ça. Par contre, alors attention, les intonations, l'accent qu'elle a, c'est. On dirait Yasmina, quoi. Hein, clairement, quoi. Ouais. Tu sens qu'il y a eu de la merguez, quoi. Alors, je lis donc l'article du Parisien. Je m'appelle Laura Prioul, j'ai 21 ans, et il y a un an maintenant que j'ai été agressée physiquement, frappée et violée. Ainsi débute le témoignage que cette femme a posté dimanche sur la plateforme YouTube depuis sa plainte contre le chanteur marocain Saad Lamjared, 32 ans, une superstar dans le monde arabe. Sa victime présumée n'avait encore jamais pris la parole publiquement. Dans cette confession d'un quart d'heure, la jeune femme évoque les circonstances qui ont entraîné la mise en examen du crooner, hein, le Parisien, hein, pour viol aggravé et violence volontaire aggravée. Le 28 octobre 2016. Après avoir passé 5 mois en détention provisoire, quand même, hein, Saad Lamjared a été remis en liberté sous bracelet électronique en avril. Le mois dernier, après le paiement d'une caution, il a pu se défaire de son bracelet, mais son contrôle judiciaire lui interdit toujours de quitter le territoire national. Le chanteur, qui publie régulièrement des photos sur son compte Instagram, est également mis en cause pour un autre viol présumé qui se serait produit à Casablanca, au Maroc, au printemps 2015. Alors, bon, je vous passe les détails. Comment dire ? Il y avait dans sa, comment dirais-je, dans sa confession à la nénette, un moment où elle explique que le, comment dirais-je, que le, qu'elle a commencé en fait, enfin qu'elle l'a rejoint dans son hôtel, hein, et qu'elle a commencé à l'embrasser, voilà. Et ensuite, dit-elle, elle a, elle a détourné le visage, c'est tout ce qu'elle dit. Le type s'est énervé, l'a bastonné, et est arrivé ce qui est arrivé. Alors, là, je veux prendre vos réactions, mais je veux dire, je mets en écho, en fait, avec la vague de dénonciation qui a touché, alors, Weinstein à Hollywood, puis toute une série de mecs comme ça. C'est-à-dire, je veux pas focaliser spécialement sur cette nénette-là, c'est sur cette vague de dénonciation, quoi. On sent que la nénette a voulu mettre ça sur la place publique en ce moment précis, en se disant, je vais pouvoir faire du bruit. Pouvoir soutirer quelques billets. Quelques dinars, effectivement. Alors, c'est pas pour exonérer l'arabe, hein, mais je pense qu'il faut regarder cette affaire de, d'un peu plus près. Alors, Derek, tu veux me parler de ça ? Vas-y. Oui, oui, bah écoute, c'est vrai que, bon, même si le, bon, l'arabe, ça reste, faut écouter l'extrait de chanson, hein, le type, c'est de la vulgarité sémite à tous les étages. Toujours est-il que cette connasse, donc, est allée en boîte se frotter le cul à lui, et a fini dans son hôtel. Bon, après, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a peut-être dit, ah, mais non, etc., donc... Ça, c'est tu vois, le truc de grosse connasse française. Elle dit qu'elle s'est faite frapper, j'y crois absolument pas. Bah, y a des photos où elle a des bleus et tout, mais bon, c'est toujours pareil. Et alors, le truc, c'est qu'effectivement, c'est ça l'affaire. C'est-à-dire que déjà, la nénette va dans une boîte de nuit ou une salle de concert et tout pour écouter de la musique de salle bougnoule huileux. Faut écouter les clips du mec. C'est des clips en arabe avec des nanas, torrents d'huile, hein, des torrents avec d'huile. Des nanas orientales, et tu regardes les traductions, c'est ma vie n'existe pas sans toi et tout. Alors ça te fait marrer parce que quand tu connais les maghrébins, les types savatent leurs bonnes femmes à coups de poing, à coups de ceinturon, je veux dire, c'est la règle, quoi. Le prince charmant, tu vois, du Djebel, tu vois, qui courtise Fatima, c'est une farce. C'est-à-dire que le type est un putain de baiseur, il savate toute nénette qui croise, etc., maghrébine ou non. Et tu vois, dans leurs clips, enfin, c'est vraiment de l'attrape couillon pour, pour les culs à deux chiffres de leur bled à la con, quoi. Et cette nénette-là, elle aime ça en réalité, c'est-à-dire qu'elle aime ça, et pour une raison qui nous échappe, hein, elle dit « ouais, je l'ai rencontré dans la boîte, il était gentil », tout bon, alors va savoir, est-ce que le mec l'a repéré, est-ce qu'il y avait une connaissance commune qui a facilité le truc, bon, on ne saura pas, mais la nénette va dans son hôtel, donc elle a 20 ans à l'époque, elle suit un mec qui est pété aux as, un Marocain, hein, et qui est connue partout. Donc, elle va à son hôtel, elle l'emballe. Bon, mais à part ça, il s'est un peu énervé. Bah, évidemment, c'est un bougnoule. Donc, le bougnoule, tu vas le chauffer, tu l'allumes, tu vas dans sa chambre d'hôtel, et elle, cette espèce de poufiasse, a fait son numéro de française. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, oui, mais tu comprends... Je suis sûr qu'elle se voyait déjà, en fait, essayer de lui faire un plan relation, genre devenir son officiel et tout, exposer comme ça, etc., quoi. Et le mec, bah, c'est un bougnoule. Donc le bougnoule, il dit, attends, sale chienne, tu viens dans mon hôtel, je vais pas être vulgaire excessivement, et puis ensuite, deux heures plus tard, tu dégages, quoi. C'est bon, on se revoit plus, barre-toi, quoi. Et là, l'autre, elle a fait son petit numéro de princesse. Et qu'est-ce qu'il a fait, le mec ? Bah, lui a mis deux droites. Est-ce qu'il l'a violée ou pas ? Moi, je suis même pas convaincu. Ça se trouve, en fait, l'embrouille s'est passée après coup. Genre, ils ont eu une relation sexuelle. Et ensuite, le mec l'a dit, bon, c'est bon, maintenant, barre-toi, j'ai un avion dans 3 heures. l'autre, elle a fait sa crise. Voilà, ça a pu se passer totalement comme ça. Et bah voilà, maintenant, c'est voilà, il m'a violé, etc. Alors, moi, je n'accorde absolument, a priori, aucune confiance bah, à des révélations. Surtout toutes les histoires qui sortent en même temps maintenant ouais. avec les histoires Weinstein. Enfin, vraiment, tu sens les nanas qui essayent de tirer parti pécunier, quoi, en ce moment ouais. précis. Hein. Alors que l'arabe soit violent, c'est évident, ils le sont tous, que ce soit tous des pervers, ça, c'est évident, mais ces salopes le savent. Donc quand ça, tu ça vois devrait être une circonstance aggravante, tu vois, c'est-à-dire la gonzesse oui, voilà, arriver devant un tribunal, on devrait lui dire, non mais vous êtes allé avec un bougnou, démerdez-vous, quoi, hein. Voilà. Exactement. Et là, il y a le numéro, bon, effectivement, comme je l'ai dit, bon, voilà. Argyle, qu'est-ce que tu veux nous dire de cette histoire-là? Bah moi, je crois qu'il est tout à fait possible aussi, bon, d'ailleurs, on a affaire à la top poufias, hein, comme tu l'as très bien résumé, Gandalf, voilà, elle va dans un concert de musique maghrébine, elle rencontre son idole en boîte de nuit, bon, voilà, t'as bien compris qu'elle en aimait, hein, comme a dit Derrick, et c'est pas la première merguez qui est lui passée dans sa bouche ou ailleurs. Mais je pense que c'est voilà, la petite poufiasse qui idéalise le truc et imagine qu'elle a affaire à un prince. Alors peut-être que lui a joué le numéro du prince dans la boîte de nuit, c'est bien possible. Et après, elle a cru que ça allait être un prince jusqu'au bout. Sauf qu'à mon avis, quand il a fermé la porte de la chambre, moi c'est une autre version que je peux donner aussi, mais qui est tout à fait plausible, c'est qu'il s'est transformé en dromadaire en rut. Et là, elle ne s'attendait peut-être pas à ça. Et puis elle a peut-être eu peur ou je ne sais quoi et elle s'est rendue compte de sa connerie donc elle a peut-être pas voulu aller au bout en voyant le prince le joli prince du Djebel qui est devenu une bête sauvage qui n'a jamais cessé d'être en fait et elle a vécu voilà, l'amour à la maghrébine l'amour à l'algérien, enfin marocain c'est un marocain, mais enfin ils ont un peu les mêmes techniques on va dire de séduction et de relations avec les femmes. Alors voilà, comme dit aussi Fred dans l'évier, je pense que ça devrait être une circonstance atténuante parce que elle a quand même cherché son truc. Hein. Elle n'est pas sortie de son lycée, elle s'est fait sauter dessus par un arabe. Non, là, elle a vraiment cherché son truc. Bah, apparemment, une plainte avait été déposée. Hein, c'est pas et il avait fait, je sais pas s'il avait pas fait de la tôle. Enfin, là, il y a un article qui résume un peu l'histoire, mais je crois que les violences et le viol, je sais pas, ont été parce qu'il en a plusieurs, il a plusieurs affaires au cul. En plus, le type, c'est pas son premier coup à une bonne femme, c'est pas non plus son premier viol. Hein. Le mec a un passif. Je crois qu'il doit repasser en procès dans peu de temps pour une histoire du même genre. Voilà. Bon, bah la petite Laura Prioul, hein, je crois que c'est son nom, a fait l'expérience avec une jolie expérience cosmopolite. D'amour interracial, elle a pu mesurer toute la considération pour la condition féminine au Maghreb. Je crois qu'elle voilà, ça a été brutal, mais ce que je crains en voyant la vidéo, c'est qu'elle aura peut-être même envie d'y revenir quand même en se disant ils sont peut-être pas tous comme ça. Ah bah de toute façon, moi je veux dire, si vous croyez que cette jeune femme là est devenue plus méfiante à l'égard des Arabes, vous fourrez le doigt dans l'œil. C'est-à-dire que cette femme-là, là, en l'état, elle est probablement encore plus antiraciste qu'elle ne l'était avant de décider de coucher avec des rats du désert comme ça. Hein. Ça, c'est absolument évident. Et deuxièmement, bon, ça, c'est un avertissement aux éventuelles femmes ou jeunes femmes qui nous écouteraient par accident. Vous voyez, ça peut arriver. Ou alors qui sont carrément d'idées opposées, mais qui nous écoutent par masochisme, ou alors à des pères de famille aussi, ou des frères. Bon, ben bah, évidemment, quand vous êtes passé entre les mains des Arabes, voilà, vous voyez, enfin, en passe d'eux, bon, bah, la cote à l'argus sexuel s'effondre totalement. C'est-à-dire que Laura Prioul en question, là, elle a 21 ans, bon, bah, sa cote est totalement. Elle ne vaut plus rien, quoi. Qui va vouloir, à part peut-être un Arabe, évidemment. Mais qui va vouloir avoir une pétasse de 20 ans qui s'est faite passer dessus par un arabe qui par ailleurs l'a savatée après qu'elle ait essayé de coucher avec sans vraiment vouloir coucher avec. Bon, hein. Voilà, c'est terminé. Donc, c'est à vos risques et périls, une nouvelle fois. C'est une très belle histoire, mais c'est... Voilà. Alors, Gimli et ensuite Hopman America. Oui, moi, rapidement, On peut sortir plein de théories sur l'histoire. Est-ce que sa version est plus ou moins exagérée? C'est possible, mais j'aimerais souligner que même si l'histoire est 100% vraie, en fait, tout est normal. Les putes font les putes et les arabes font les arabes. Voilà, c'est une pute de 20 ans qui va en boîte à Paris. Bah oui, mais voilà, une pute de 20 ans qui va en boîte à Paris, un arabe marocain qui va en boîte à Paris. Pour moi, tout est normal. Les deux se retrouvent dans une chambre d'hôtel, oui, tout reste normal. La pute fait la pute, l'arabe la boxe. Personnellement, je ne vois pas où est le problème. Oui, non, il n'y a rien de surprenant. Oui, non, ça... Non, non. Mais par contre, les gens feignent d'être surpris, par contre. Oui, c'est un alignement cosmique, hein, c'est sûr. Et Hopman. Alors, ouais, en 2010, j'étais parti en République tchèque voir un ami qui était en Erasmus là-bas, et il m'avait présenté une tchèque, donc en fait, qui n'était pas vilaine. Et la fille me dit, ah, ouais, j'ai fréquenté un Français il n'y a pas longtemps, je dis, bon, il est comment? Ah, ben, il s'appelle, un prénom à la con, genre de nègre, quoi. Et déjà, j'ai fait, c'est pas un Français, donc la meuf ne comprend pas, j'ai lui expliqué, puis je suis resté 2 semaines là-bas. Et je en fait, la pas, meuf continue. J'aime bien. Ouais. Puis bon, la meuf continue à le fréquenter. Et puis vers la fin du séjour, je rediscute avec elle. Et là, elle commence à fondre en larmes. Elle m'explique qu'en fait, voilà, bah, elle était dans la chambre avec son Mamadou. Et puis que tout se passait bien. Et puis à un moment, bah, y a ces deux potes nègres qui sont arrivés. Et puis ils se sont incrustés. Bon, en gros, les mecs se l'ont tapé. Donc 3 nègres sur une tchèque. Et en fait, bon, bah, c'est pas fait violer dans un sens, puisqu'elle est. T'es consentante, mais son consentement, c'était vraiment sous la... Enfin, sans t'es obligé d'être consentante, quoi. Et ça me fait toujours marrer, moi, tu vois, de voir ces connes tomber. Mais en fait, moi, c'est pour ça que je les peindrai jamais. C'est parce que, en réalité, ces femmes-là sont... J'aimais bien, à un moment donné, il y a Céline qui disait ça. Il parlait... En fait, il parlait un peu de la nature humaine, comme ça. Et il disait, n'allez pas croire que tous les gens qui ont des accidents de voiture... sont véritablement victimes d'accidents, quoi. C'est-à-dire qu'il disait en quelque sorte, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a des gens qui finalement attirent la mort sur eux parce que quelque part, ils la recherchent en fait. Et il disait, voilà, il y a des mecs, ils sont en bagnole, est-ce que c'est vraiment un accident? Est-ce que c'est un suicide? Est-ce que le type avait une conduite dangereuse un peu volontairement, etc. Moi, je pense que ces filles-là, c'est un peu la même chose, quoi. C'est-à-dire que ces femmes-là, en fait, se mettent volontairement en danger. Parce qu'en fait elles sont tarées en fait et ça leur fait plaisir et quand la merde leur arrive elles commencent à chialer et comme l'a dit dans l'évier quoi c'est une circonstance aggravante c'est comme quelqu'un qui viole la limitation de vitesse se plante avec sa bagnole et ensuite viendrait chialer en demandant à la société de lui payer tous ses soins tous ses trucs bah non ça peut pas fonctionner comme ça quoi. Donc oui, se foutre en ménage avec des nègres ou des arabes, ça finit mal en général. Hein. Il n'y a pas que les histoires d'amour. Hein. C'est sûr quand tu te fous avec Mamadou ou Toufik, surtout avec Toufik, je pense, ça finit particulièrement mal. Et voilà quoi. Et voilà, et ces filles n'ont pas à être blâmées quoi. Argyle et Porovitch. Oui, juste pour faire partager. Une expérience, enfin disons un conseil familial, mon grand-père qui a fait la guerre d'Algérie, il m'avait expliqué on ne peut pas comprendre ou appréhender la civilisation, entre guillemets, maghrébine, quand on n'a pas vu, les Algériens en l'occurrence, un Algérien cogner sur sa femme ou ses gosses. Il expliquait que, bon voilà, il avait déjà vu un mec qui mettait une tarte dans la gueule de sa femme, ou ça, il avait déjà vu en France, il avait pas... mais voir les mecs qui cognent sur leur femme, et ils cognent dessus à coups de poing, jusqu'à temps qu'elle soit évanouie par terre dans une mare de sang. Et pareil pour les gamins, si tu arrives à les choper. Ils n'élèvent pas les gamins. Hein. Mais il me disait, ils cognent dessus, quelquefois on en empêchait pour ne pas avoir un meurtre devant nous, mais voilà, ils tapent dessus jusqu'au coma. C'est comme ça qu'ils conçoivent, disons, la discussion familiale sur certains sujets. C'est on cogne dessus, mais à s'en faire péter les phalanges. Il dit, quand tu as compris ça, tu comprends qu'on ne peut pas vivre avec eux. J'ai trouvé que c'était assez pertinent et les petites putes à bougnoule devraient y penser avant au conseil des anciens. Porovitch. Ouais, moi je suis choqué par toutes ces histoires de soi-disant viol. Là, l'histoire que tu me racontes, c'est un truc. Elle se retrouve dans sa chambre d'hôtel, elle est là en train de le chauffer. C'est n'importe quoi, je veux dire. C'est quoi elle appelle ça un viol, mais. Connasse ne va pas dans son hôtel déjà pour commencer. À partir du moment où tu acceptes de monter dans sa chambre, ton consentement, il est donné. Faut arrêter le délire. C'est vraiment, on est en train de... En général, avec les individus en général, mais notamment avec les femmes, mais sur les questions de viol, on est en train de créer une société d'irresponsables. Où les gens font n'importe quoi, mais ils veulent quand même que l'État leur garantisse une protection. Alors, ça donne ces campagnes débiles sur le viol, où, en gros, si la nana t'as pas fait signer un contrat écrit où elle dit « je suis d'accord pour coucher », en gros, c'est un viol. Mais c'est n'importe quoi. Mais je veux dire, c'est des histoires comme ça, on en entend plein, quoi. Il y a des meufs, vraiment, qui font n'importe quoi, qui vont chauffer des mecs, puis après... ou même qui changent d'avis. Des lumeuses, quoi. Bah, ouais, mais même des meufs paumées savent pas trop le lendemain s'ils étaient d'accord ou pas parce qu'elles avaient un coup dans le nez, tu vois. C'est n'importe quoi. C'est cette mentalité d'irresponsable, de faire n'importe quoi et d'exiger que l'État, la loi, les soutienne, quoi. C'est vraiment. Moi, j'ai les bras qui m'en tombent, quoi. Quand j'entends des histoires comme ça, vraiment bonjour les gogoles, quoi. Ouais. Fulbert. Moi, je ne suis pas me poser une question. Parfois, je me demande si, en entendant toutes ces expériences, tous ces faits divers, si nous, hommes blancs, ariens, européens, civilisés, bien élevés, polis, si on ne devrait pas s'inspirer de ce que font certaines crouilles avec leurs femelles. Par exemple, je ne vois pas pourquoi... on ne recevrait pas, nous aussi, de temps en temps, une femme chez nous, pas nécessairement une... Je ne suis pas pour le mélange, hein. Donc recevoir une femme blanche, hein. Je prie nos auditrices de ne pas croire que je sois misogyne, je tire un enseignement, c'est tout. De les recevoir, et quand on est en chambre, et qu'elles ne font pas exactement ce qu'elles ont laissé croire, et ce qu'on a pensé aussi, eh bien, de temps en temps, peut-être qu'on ferait bien de les défoncer un petit peu, histoire de leur apprendre à vivre et à réfléchir et à se comporter. Quelque part là, peut-être, quelque part, toutes ces grognasses, ces putacrouilles, comme dit Gandalf, là, peut-être bien qu'elles vont réfléchir et qu'elles vont trouver chez nous, les blancs à rien, cet aspect viril un peu, comment dirais-je, un peu vinaigré, qui leur manque. Moi, je crois qu'elles manquent de ça. Il faut leur en donner. Je sais pas si c'est... clairement, je pense qu'il y a un manque d'autorité totale, là. Et les mecs veulent plus... les mecs blancs veulent plus occuper vraiment leur position. C'est, enfin, moi, j'ai vu ça beaucoup trop souvent dans les rapports autour de moi entre les hommes et les femmes, les jeunes hommes et les jeunes femmes, des nénettes qui parlent plus fort que les hommes. C'est vachement choquant, ça, les nénettes qui parlent plus fort que les hommes, qui donnent les ordres, qui briment les types, c'est-à-dire qui les castrent. Non, mais ça n'est pas possible. Les bonnes femmes ne savent pas ce qu'elles veulent, premièrement. Vous ne pouvez pas les laisser commander. Or, les mecs, les blancs, les jeunes blancs, laissent les bonnes femmes commander. Donc, il ne faut pas s'étonner ensuite, d'abord, qu'elles fassent absolument n'importe quoi. Et deuxièmement, qu'elle fasse n'importe quoi avec des métèques, c'est évident. Et évidemment, les autres, les Arabes ou les Nègres, ils ont peut-être des QI à deux chiffres, mais ils savent donner une mandale, quoi. Et eux, ils vont pas se laisser. C'est pas une poule de 18 ans ou de 20 ans comme Prioul qui va dire, moi je fais ça, etc. Non, elle prend une danse et c'est terminé, quoi. C'est évident. Donc il y a aussi une part de responsabilité, malheureusement, des jeunes hommes blancs. Hopman. Ouais, alors, je vais rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux, là, juste après, mais il y a un glissement sémantique qui a été opéré par rapport à la notion de viol, c'est-à-dire qu'auparavant, le viol, c'était uniquement une attaque violente, donc sexuelle, sur une femme, par exemple, dans la rue ou quelque part, quelque chose qui n'était absolument pas justifié, en fait. Et de nos jours, on a pu voir aux USA que la notion de viol, enfin surtout aux USA, que la notion de viol, maintenant, c'est vraiment un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, une meuf qui va dans la chambre d'un gars et qui, quelque part, dit « Bah ouais, je vais dans ta chambre », c'est qu'on sait très bien ce qui se passe dans les chambres, quoi. Hein, c'est pas fait pour jouer au Monopoly, quoi. Donc, maintenant, comme a dit Poporo, on déresponsabilise les femmes. Déjà qu'elles sont pas très, déjà qu'elles sont un peu irresponsables, mais là c'est encore pire que tout, quoi. Deuxièmement, par rapport à ce que disait Fulbert, à ce que tu disais toi aussi Gandalf, effectivement, ce que je disais aussi tout à l'heure, le père a été tué dans la société, hein, l'homme blanc a été dévalorisé, dévirilisé. Au contraire, il y a une surmédiatisation de la prétendue virilité des populations non européennes avec lesquelles on nous force à vivre. Et effectivement, ça crée des problèmes auxquels on est confronté, parce que si on avait le contrôle déjà de dans nos familles, dans nos vies, on pourrait avoir le contrôle en fait en général dans la société. Effectivement, ce genre de conneries ne se passerait pas, quoi. Tout simplement, bah, parce que la gamine de 21 ans, quand t'as le père ou le frère qui est là, ben bah, il les laisserait pas faire ce genre de conneries. Et d'ailleurs, moi je parle des fois avec des Arabes par rapport au sport et tout ça, et eux ils sont comme ça, c'est-à-dire que ils vont alors. Ils sont en mode, ouais, ben moi je nique, mais après je lui dis, ah ouais, mais toi tu niques, d'accord, mais t'aimerais que ta sœur elle fasse pareil? Enfin, non, certainement pas. Donc en gros, les mecs, bah ouais, eux ils contrôlent leurs gonzesses. Bon, bien sûr, ils baisent les nôtres, forcément, parce que les nôtres sont des putes maintenant. Mais ils font du contrôle, quoi. Et si on veut récupérer, en fait, si on veut sauver ce qui reste à sauver en Europe, il va falloir qu'on retrouve, comme tu disais, donc qu'on récupère notre position de bonhomme, quoi, et qu'on. Quand on devient des hommes, et c'est comme ça qu'on va redevenir, enfin qu'on va réussir à sauver l'Europe, quoi. Et puis les gonzesses, et puis les mecs qui sont qualitativement pas au niveau, ben ils se plieront aux desiderata et tout ce que feront les hommes supérieurs, quoi. Oui, on a un sens, c'est pas force, hein, de toute façon. J'ai juste un petit truc à rajouter là-dessus. Je suis pas sûr que nos juges femelles préférées qu'on peut trouver en Europe un petit peu partout, aussi aux États-Unis, soient aussi coulants avec votre conjointe qui vient porter plainte parce qu'elle a pris un nion dans la gueule, qu'avec le premier Mamadou fraîchement débarqué d'Afrique. Je pense que ça, c'est quand même... Enfin bon, on peut en dire ce qu'on veut, mais il y a quand même un problème, c'est que surtout quand il s'agit de, j'ai envie de dire, de relations passagères, quoi, de choses dans lesquelles on n'est pas forcément très très investi, l'homme moyen n'a pas forcément envie de se foutre dans la lunette du système judiciaire pour une pouffe qui pleurniche, quoi, hein. Donc déjà il y a ça, c'est-à-dire c'est bien gentil de vouloir appeler à là. Mais après, il faut être préparé à assumer les conséquences. Et en Occident, le but, ça n'est, moi, je pense pas que ça soit de rendre les nanas complètement folles. Je pense que le but, c'est de castrer les hommes. C'est-à-dire que tout ce système est fait pour que les hommes n'aient pas le droit de répliquer, de remettre les femmes à leur place quand elles se comportent comme des putes, ce qui est très largement le cas. Et puis... tout simplement, donc tu parlais du glissement sémantique sur le viol qui avant, enfin, devait se baser sur quelque chose de violent, inattendu, etc. Enfin, il y a des conditions, hein, qui sont définies légalement, ou en tout cas il y avait, je ne sais pas ce que ça donne aujourd'hui, et qui maintenant, c'est vraiment selon le desiderata de la victime, entre guillemets, qui, si elle a changé d'avis le lendemain, finalement c'est peut-être un viol, bah, tout simplement c'est quelque chose d'assez... d'assez orwellien, qui permet de criminaliser absolument tous les hommes a posteriori, c'est-à-dire après une relation sexuelle, le lendemain, bah, peut-être que tu as violé, peut-être que non, tu ne sais pas, c'est un petit peu la surprise, et ça permet de criminaliser absolument tout le monde. Donc c'est une façon de maintenir une sorte de terreur sur tous les hommes hétérosexuels, voilà, qui veulent avoir des rapports, et ça devient assez compliqué, hein. Mais... moi, je ne vois pas de solution évidente à cela. Si la seule chose qui pourrait permettre d'en sortir, il y a deux choses. Il y a le fait de faire honte aux femmes qui se comportent comme des putes d'attention, etc., etc., de vraiment les rabaisser, ce qui est loin d'être le cas quand on observe les rapports hommes-femmes sur les réseaux sociaux, etc., etc. Les femmes sont énormément surévaluées. Même quand ce sont de grosses poufias évidentes que tu vois arriver à des kilomètres, On leur donne énormément d'attention. Il faut vraiment leur faire fermer leur gueule, arrêter de leur prêter de l'attention, les rabaisser quand même beaucoup. Parce que c'est ça, le fait que les femmes européennes, je pense, se désintéressent des hommes et vont chercher du nègre, etc., etc., c'est parce que les femmes ont un côté masochiste qui vient du fond des âges. Hein, c'est-à-dire que la femme qui, depuis le néolithique, était la mieux résistante, qui était la plus disposée à résister, voire même peut-être à apprécier de temps en temps un petit coup sur la gueule, bah, c'était peut-être celle qui s'en sortait le mieux pour avoir des enfants. Je pense qu'il y a des traits véritablement masochistes chez la femme, au niveau du caractère, au niveau de la psychologie, qui sont là, inscrits très profondément, et si on ne leur donne pas ça, donc s'il n'y a pas une certaine distance, des fois peut-être une certaine froideur, un certain mépris, enfin à bonne dose, hein, je ne dis pas qu'il faut l'être totalement, mais il faut être intelligent avec ça, voilà, donc il faut surtout pas, les Américains disent... de mettre la chatte sur le piédestal, le pussy on the pedestal, n'est-ce pas ? Donc il ne faut surtout pas faire ça, et ça c'est un effort qui va demander, voilà, hein, beaucoup de beaucoup de personnes. Parce que tu as tellement de misère sexuelle, c'est-à-dire tu as tellement de crève la dalle, tu vois, qui n'arrivent pas à trouver chaussures à leurs pieds, qu'ils croient qu'en étant gentils avec les filles, tu vois... Je veux dire, ils vont pouvoir attraper, enfin, c'est avec du miel qu'ils vont pouvoir attraper des mouches, alors que ça ne fonctionne pas du tout comme ça, pour les raisons que tu as évoquées d'ailleurs. Oui, et je veux rajouter un truc, je pense vraiment, pour le coup, je pense que sur ce problème-là, je ne sais pas si je peux aller jusqu'à dire qu'on l'a dans l'eau, c'est que c'est réglé, mais je pense que pour moi, la seule solution, solution entre guillemets, hein, la seule avancée. Sur ce sujet qui va vraiment peut-être contribuer à débloquer cette situation dans laquelle l'Occident, au sens large, s'est foutu, ça va être les robots putes. Hein. Donc voilà, il faut qu'on aura des objets qui vont voilà, remplacer un petit peu, en tout cas pour le côté satisfaction sexuelle, hein, purement et simplement, parce qu'évidemment, les femmes seront toujours... nécessaire à l'enfantement, à fonder des familles, etc. Mais je pense que les robots sexuels sont la seule chose à l'heure actuelle qui peut éventuellement rééquilibrer le rapport de force homme-femme, comme tu le disais, avec tous les crèves-la-faim, et évidemment ceux qu'on importe d'Afrique, de je ne sais où, enfin d'Inde, du Pakistan. Bah c'est une étude, hein. C'est une étude qui a été faite... Je ne sais plus dans quel pays, mais moi je l'ai lu en anglais, où tu as, comment dirais-je, tu as les, comment dire, les femmes non mariées soutiennent l'arrivée des migrants, et c'est beaucoup c'est moins... Exactement ça. C'est exactement ça, et je vous dis, donc les gars, s'il y en a des auditeurs qui ont un petit peu de ressources... Là, etc. Bon, certainement pas des masses non plus. Mais si vous voulez exterminer le féminisme à jamais, les gars, investissez dans les robots sexuels. Hein. Ça, de toute façon, ça nous pend au nez, ça va arriver un de ces jours. Et plus vite ça arrivera, à mon avis, je pense que quand ces choses-là se profileront vraiment dans un horizon, enfin sur un horizon proche, vous allez avoir des cris, les féministes, toutes les tout ce qui est voilà, les organisations pro-vaginocratie, etc., vont pousser les hauts cris, se débattre, faire tout ce qu'elles peuvent pour éviter que ces choses n'arrivent à devenir des objets communs, abordables, etc., etc., parce que ça va vraiment remettre en cause tout le rapport de force homme-femme moderne, qui est quand même une des grosses sources du problème. Voilà. Alors, on fait une pause et on se retrouve pour la deuxième partie. Stay strong. Nous revoici pour cette deuxième partie de Démocratie Participative. Saison numéro 2, épisode 40. Et 1. 41, oui, autant pour moi. Et nous allons aborder un sujet qui taraude depuis un certain nombre de participants. Je ne donnerai pas de nom. Hein. Et ça mérite effectivement une discussion. Et je me suis dit que c'était le point de départ de cette discussion pourrait être le récent voyage de Hauptmann en Europe de l'Est et en Europe centrale. Alors, pourquoi maintenant et pourquoi l'Europe centrale, l'Europe de l'Est? En fait, c'est parce que j'ai décelé chez un certain nombre de personnes en fait, une espèce d'idéalisation de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale comme étant finalement... une espèce d'anti-Europe de l'Ouest, avec toute sa dégénérescence, avec tous ses problèmes raciaux, évidemment. Bon, je ne vais pas citer tous les problèmes qu'on affronte, mais qu'effectivement, l'Europe de l'Est était vue comme une espèce de paradis réservé et préservé, où peut-être il y aurait une espèce de renaissance ou de nouveau départ pour la race blanche, quoi. Oui, puis aussi des réactions de certains commentateurs qui, quand on effleure, n'est-ce pas, leur pays de l'Est préféré, alors évidemment, on ne va pas donner d'exemple, hein, ils se reconnaîtront, réagissent comme de véritables Arabes. Algériens, hein, précisément. Ah, effectivement, oui. On dirait qu'ils défendent l'équipe nationale d'Algérie, alors effectivement, ils parlent d'Europe de l'Est, bon, bah, chacun son truc. Oui, oui, il y a un phénomène comme ça, ouais, on peut pas, voilà. Alors du coup, moi, je me suis toujours gardé de parler de l'Europe de l'Est, parce que, bah, pour la bonne et simple raison, que je n'y ai jamais été. Donc je vais pas expliquer ce que j'ai vu ou pas vu, puisque je n'y suis pas allé, donc je ne peux pas juger sur pièce. Donc il y a des gens qui vont en Europe de l'Est qui me disent « c'est formidable », il y a des gens qui vont en Europe de l'Est qui me disent « autre chose », mais ce que je constate, c'est qu'on nous dit « voilà, ce que j'ai appelé la slavitude, c'est-à-dire que les Slaves représenteraient les nouveaux surhommes, etc. » Alors bon, moi je récuse absolument l'idée selon laquelle, parce que ça c'est un argument qui revient souvent, enfin chez certains, on nous dit on peut pas, les classifications c'est très très bien, mais en dehors de la race blanche. C'est-à-dire qu'on peut classifier les nègres, on peut classifier les métèques de toutes les couleurs, on peut juger qu'ils sont plus ou moins cons, plus ou moins athlétiques, plus ou moins ceci, plus ou moins cela. Très très bien, avec force étude. Mais par contre, dès qu'on arrive en Europe, alors là, il ne faut plus du tout parler de tout ça. On est tous pareils, et on est tout d'un coup, on a un espèce de syndrome égalitariste qui arrive. Et moi, je récuse ça absolument. Pourquoi ? Bah, j'ai jamais été égalitariste. Je crois même pas que deux personnes d'une même famille aient les mêmes aptitudes, alors c'est certainement pas pour croire qu'entre peuples européens, tout le monde a les mêmes aptitudes et les mêmes capacités. Donc je me suis dit qu'il fallait simplement s'intéresser à cette question, puisque certains nous présentent les Slaves au moins comme les égaux des Germains, des Celtes ou des Latins, et que, voilà, on devrait... Oui, au moins, alors c'est souvent même des fois... oui, bien supérieur, etc. Voilà, bien supérieur. Alors, je pense qu'il faut en parler. Alors, Hauptmann a été en Ukraine il n'y a pas longtemps, hein, il y a quelques semaines. Envoyé spécial, et il a été en Hongrie. Donc, c'est un peu les deux pays qui font l'actu en ce moment. Il y a la Pologne aussi, qui retient beaucoup l'attention, en tout cas au plan politique. Alors... Je vais lui donner la parole, mais bon, pour commencer, c'est sûr qu'évidemment, la Pologne est beaucoup plus nationaliste et raciste aujourd'hui que la France. C'est entendu. Et quand on se balade dans les rues de Varsovie, je présume aussi qu'il y a beaucoup moins de nègres et de musulmans. C'est entendu également. Mais précisons quand même que pendant 50 ans, ils ont été mis au frigo par les soviétiques. Et que donc, ils ne font que commencer à expérimenter... j'allais dire la modernité occidentale telle que nous la vivons, j'ai presque envie de dire la modernité juive. Bon, judéo-communiste, vous choisirez, ou judéo-trotskiste, on va dire. Mais ça fait 25 ans qu'ils s'y mettent, donc c'est difficile de comparer. Alors, Hauptmann, où as-tu été? Et dis-nous ce que tu as vécu. Commençons un petit peu par l'Ukraine, si tu veux bien. Ok, donc... Bon, je suis arrivé en Ukraine un peu par hasard parce que j'avais envie de changer d'air en fait. Et je suis allé en Ukraine parce que, comme tu l'as dit, j'ai entendu tellement de choses positives sur les pays de l'Est. Il y a eu la révolution de Maïdan en fait, avec apparemment une révolution nationaliste qui aurait changé la face du pays. Enfin, c'est ce qu'on entend un peu de loin, quoi. Et je me suis dit, tiens, allons voir ce qui s'y passe. Et bon, ben. J'ai débarqué en Ukraine, donc alors c'est vrai, je connais pas un traître mot d'ukrainien ni de russe, donc ça aide pas, sachant que c'est un pays dans lequel l'anglais est pas super pratiqué. Après, j'ai quand même réussi à trouver des gens qui parlaient un petit peu. Et bah, ce qui s'est passé, que j'ai été vraiment confronté à une déception totale, quoi. Déception parce que bah, déjà, je suis pas slave, donc c'est vrai que les mentalités. J'avais déjà fait l'Europe centrale, et en Europe centrale, c'était en République tchèque. On s'y retrouve, c'est-à-dire que on est quand même pas trop loin d'eux, quoi. C'est encore pour moi l'Europe de, c'est encore l'Europe de l'Ouest, on va dire, d'un point de vue des comportements. C'est pas trop loin de l'Allemagne, bon. Là-bas, chez les Slaves, c'est vraiment les gens sont hyper froids. Alors t'as des gens qui vont t'aider, certes, mais les gens en général sont pas souriants. Tu m'étonnes, avec les vies de merde qu'ils ont, ça donne pas envie de sourire. Et j'ai été choqué en fait de voir dans ce pays. Bah qu'en fait, ils vont commencer à expérimenter les mêmes merdes qu'on a chez nous, quoi, comme tu le dis si bien. J'ai sympathisé à un moment, j'étais dans la rue avec une Écossaise et son copain qui était australien. Bon, je savais pas, en tombant dessus, bah, c'était des gauchistes. Et en fait, à un moment, on a commencé à parler avec deux filles donc, qui étaient dans la rue aussi. Et. Ben, une des deux filles faisait des études sur le féminisme. Donc, tu es dans la capitale d'Ukraine, tu es à Kiev, révolution nationaliste 3 ans auparavant. Moi, on m'avait raconté des choses. Ouais, on chasse les cocos, on se débarrasse des anti-blancs, genre de choses. Bon, d'accord, ok. Et tu tombes sur quoi ? Ben, sur une gonzesse qui te parle de ses études, des études sur le féminisme. Donc, déjà, moi, je suis un peu tombé sur le cul, quoi. Et puis, j'ai rencontré une fille, en fait, par une application qu'on appelle Couchsurfing. Normalement, ça te permet d'aller chez des gens ou de recevoir des gens chez toi. Mais quand tu es en voyage, ça permet aussi de rencontrer des gens qui sont soit en voyage, soit des locaux, pour, par exemple, visiter la ville. C'est ce que j'ai fait, d'ailleurs. Et je tombais cette nana-là. Et donc, on était un groupe de plusieurs étrangers. Il y avait donc une Ukrainienne, une Russe, il y avait un mec de Nouvelle-Zélande, il y avait un Macédonien, puis moi. Et en fait, cette nana a commencé à me tenir des discours genre sur l'égalité des sexes, les gender machin et compagnie. Je me suis dit, mais putain, c'est pas possible, quoi. Je fais 3000 km, je quitte l'Europe de l'Ouest, et je quitte le berceau de la chiasse, en fait, et j'arrive là-bas et je suis confronté exactement à la même chose, quoi. Donc bon, discussion, je remets les pendules à l'heure. Forcément, les fois suivantes, lorsqu'elle a organisé des voyages à travers la ville, bon bah, elle m'a pas accepté dans les groupes, hein, parce que forcément, je brise un petit peu sa bubule, quoi, tu vois. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va se développer de plus en plus parce que l'Ukraine veut rentrer dans l'Union européenne. Donc forcément, il y a des directives. Il y a des choses qui doivent être faites en sous-marin par certaines associations ou certaines instances. Comment ? Certaines communautés. Oui, voilà. J'ai pensé à Paidia, par exemple, en Suède, avec, comment elle s'appelle, Barbara, l'inspecteur. Hein, il doit bien y avoir... quelques-uns comme ça en Ukraine, en sous-marin, qui doivent travailler à déstabiliser la société, quoi. Bon, ça, c'est d'un point de vue... C'est pas du point de vue racial. Maintenant, du point de vue racial, l'Ukraine, c'est... pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est un territoire qui a été peuplé par des populations autant nordiques que slaves, que issues de la Méditerranée, enfin... genre de la Grèce, la Bulgarie, ce genre de choses, et même voir l'autre côté, vers le Caucase. Donc la plupart sont blancs, hein, la plupart sont des blancs, les femmes sont très belles, très grandes, les mecs ressemblent souvent c'est des Slaves, ils sont pas très très beaux, quoi. Et j'ai remarqué que parmi ces gens ukrainiens, il y en avait quand même quelques-uns qui avaient des phénotypes un petit peu genre un petit peu du sud, quoi. Et ça m'a un petit peu fait bizarre. Donc après j'ai découvert l'histoire du pays, donc bon, j'ai compris peut-être un peu pourquoi. Faut voir aussi que là-bas il y a une très très forte immigration de Turcs. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, tous les gens avec qui j'ai parlé, que ce soit sur place ou même en France, quand je leur ai dit que je suis allé en Ukraine et je leur ai dit ce que j'ai vu là-bas, ils m'ont dit « Putain, mais c'est pas possible, moi j'y suis allé en 2014, après Maïdan, c'était incroyable, il y avait des gamins dans la rue qui démontaient des AK-47, il y avait des stands de concours, machin et tout. » Bah ouais, mais maintenant, 2017, tu te balades dans les rues de Kiev, qu'est-ce que t'as le week-end? T'as l'artère principale, en fait, les Champs-Élysées de la ville, on va dire, qui est bloqué la circulation, et puis t'as des troupes de hip-hop qui viennent faire des représentations, voilà. T'as une espèce de camion sono avec une estrade sur laquelle t'as des danseuses qui font des chorégraphies, puis t'as les gens qui s'attroupent autour et puis qui font exactement les mêmes sur de la musique de mer, genre les musiques commerciales qu'on a déjà chez nous, en fait. Ouais, c'est peut-être des rappeurs nationalistes, non? LOL. Merci, dans les pieds, je suis perdu. Bah non, ouais, donc... t'es sur ton artère avec des chorégraphies, je sais pas quoi. Ouais, ouais. En fait, la musique est quand même vecteur de chiasse. Hein. Faut savoir que quand on écoute de la musique de nègre, forcément, il y a des chances que par la suite, on se négrifie un petit peu d'un point de vue intellectuel et que ça passe à la vitesse supérieure si on est un petit peu faible du ciboulot, quoi. Bon, bref, tout ça pour dire que 2014, révolution Maïdan, machin et tout, et là, 2017, vous voyez quoi? Vous voyez une société... Alors, j'en ai pas parlé, mais je vais dire aussi qui est très axé sur l'apparence. Hein. Parce que là-bas, vous voyez des gens qui n'ont pas un rond. Il faut savoir que le salaire moyen, c'est 200 euros environ dans la capitale. Et pourtant, les gens sont super bien sapés. Et puis, ils ont des iPhones. Et puis, ils se montrent et machin et tout. C'est quand même assez incroyable, en fait. Il y a, donc, pour revenir à ce que je disais, le vecteur de chiasse. Moi, j'ai vu donc sur cette artère bloquée, j'ai vu des couples de nègres, enfin des nègres avec des Ukrainiennes, par exemple. Donc, je fais 3000 km pour échapper à tout ça. J'arrive en Ukraine et je vois quoi? Je vois des nègres avec des Ukrainiennes. Je vois des Turcs un petit peu partout. Alors, ils sont soit avec des filles normales, soit avec des prostituées. Je vois des Turcs qui rachètent des magasins sur... vous voyez, des magasins halal, quoi. Enfin, pas des magasins, mais des... Des kebabs. Ouais, des kebabs, quoi. Halal sur les Champs-Élysées de Kiev, quoi. Moi, ça me débecte, quoi. C'est incroyable, quoi. Et donc, vous avez pas de Roms, en revanche. Il y en a, mais ils se tiennent à carreau, en fait. Ça, c'est à noter. J'ai eu aucun problème de sécurité en 3 semaines et demie en Ukraine. Ça, c'est vraiment le côté positif du truc, quoi. Alors, ça, c'était pour Kiev. Maintenant, c'est vrai que je me suis fait une amie quand j'étais là-bas, qui, elle, vient d'une petite ville un peu plus, enfin, bien plus modeste, dans le sud du pays, qui s'appelle Mykolaïev, si je ne dis pas de bêtises. Et elle m'a expliqué que là-bas, en fait, il y avait une forte communauté africaine. Pourquoi? Parce que l'éducation est, somme toute, de meilleure qualité qu'en Afrique, et c'est un des pays les moins chers d'Europe. Donc, vous avez des diasporas africaines qui vont là-bas que pour les études. Et ça donne quoi? Ça donne que forcément, il y en a qui se tapent des Ukrainiennes, il y en a qui s'implantent, il y en a qui repartent. Enfin, c'est le bordel, quoi. Donc... l'Ukraine, paradis de la race blanche, pas trop, quoi, parce que vous arrivez là-bas, vous avez exactement les mêmes problèmes. Alors c'est vrai, c'est pas tout ce qui est d'un point de vue idéologie, c'est pas aussi développé pour l'instant que chez nous, quoi. Tout ce qui est du féminisme, gender théorie, égalité des genres et compagnie, bon, ça n'en est pas encore là. Mais ça arrive à grands pas. Pour ce qui est de la chiasse raciale, quand vous voyez des Arabes dégueulasses à la sortie du métro, en plein Kiev, qui essaye d'alpaguer des gamines de 16-18 ans et que les gamines viennent leur parler, il y a un moment où vous dites « Mais je suis où, quoi? Je suis où? Je suis à Paris? Je suis en France? Je suis à Toulouse? Il se passe quoi, là, ici, quoi ?» C'est exactement la même chose. Alors, c'est pas les mêmes proportions. Mais, Ensuite, d'un point de vue du, on va dire, de la qualité des gens, j'ai été assez sidéré en fait par le pays. Tout est, enfin, on peut pas dire que ça soit dégueulasse, mais tout est ultra vétuste. Les gens habitent dans des immeubles, à part les gens qui sont vraiment riches et qui habitent dans des immeubles très récents dans lesquels il n'y a absolument pas de problème, les autres habitent dans des immeubles qui datent de l'époque soviétique, en fait. Et ouais, des commis-blocs, quoi. Ouais. Et il est pas rare d'avoir des coupures d'eau, par exemple. Bah, moi, j'étais en Airbnb pendant 2 semaines chez un couple de personnes âgées. J'ai pas eu l'eau pendant 2 jours, par exemple. Alors, en plein hiver, pas avoir l'eau chaude pendant 2 jours, c'est... Bon, la douche froide, ça fait du bien. Quand il fait moins un dehors et 15 dans l'appart, tu te dis, bon, on va y arriver 2 jours, quoi. Mais ça fait partie des vicissitudes de la vie, là-bas. Un truc qui m'a choqué, moi, c'est qu'à un moment, j'avais rencontré un groupe d'étudiants avec qui j'avais sympathisé. Et j'avais demandé à un des mecs, en fait, de me faire visiter, me faire voir où il étudiait, et me faire voir comment étaient les dortoirs. Eh bien, écoutez, j'ai pas été déçu du voyage. Donc, quand vous arrivez dans le dortoir, alors, c'est plus sécurisé que chez nous. Il y a un garde à l'entrée, vous ne montrez pas de blanche, il y a un tourniquet, machin, compagnie. Je suis quand même rentré. Il a dit que j'étais son cousin d'Europe de l'Ouest, venu lui rendre visite, blabla. Bref, je rentre. Et là, le gars m'explique, il me dit, bon, écoute, tu vas voir, c'est... ici, on paye que 300 grivnia, c'est-à-dire environ 12 euros de loyer... au mois là pour le logement étudiant qui est en fait un dortoir. Ils sont à 6 dans un dortoir. Il y a plusieurs formules, en fait, c'est à dire que plus vous payez, plus normalement les logements sont corrects, mais là lui il payait que 300 grignia, donc il avait vraiment un logement, c'était un taudis, quoi. Donc il me fait voir. Donc les murs sont dégueulasses, vous avez l'impression que ça n'a pas été peint, enfin ça n'a pas été nettoyé depuis 40 ans. Il me fait voir les cuisines. Les cuisines, c'est, enfin, vous avez une gazinière, une plaque, et puis ça se bat en duel, et puis c'est dans un état, on se croirait en Afrique, quoi. Et clou du spectacle, les toilettes. Donc il m'amène aux toilettes, et il me fait voir, il me fait, bon ben voilà, tu vois, là, la directrice des dortoirs, elle s'est barrée avec l'argent de la rénovation, bah donc du coup, les chasses ne marchent pas. Et là je lui dis, mais les chasses ne marchent pas. Bah ouais, bah tu vois les seaux là, bah en fait on a un seau d'eau par chiotte turque, par jour. C'est-à-dire qu'en fait je suis arrivé dans les chiottes, et il y avait des merdes qui s'entassaient au niveau des chiottes turques, donc je ne raconte pas l'odeur. Et les gens ne nettoient qu'à la fin de la journée. Parce qu'ils ont qu'un seau d'eau. Tu nous fais rêver, là. Ouais, tu nous vends du rêve, là. C'est Erasmus en Ukraine, on a envie, là. Ah oui, non, mais c'est... je veux dire, enfin, faut vraiment... Enfin, j'ai pas fait de vidéo, parce que je pouvais pas faire voir ça aux gens, quoi. Je veux dire, je peux leur faire voir des merdes entassées dans les chiottes turques, dans un logement étudiant en Ukraine, quoi. Mais c'est... Enfin, moi, j'ai vu ça, je me suis dit, mais putain, mais je suis en Afrique, quoi. Je suis en Afrique. C'est vraiment ça, quoi. Bon, truc qui est quand même un petit peu rigolo, vous voyez les petites étudiantes sortir de leur chambre universitaire, donc elles vivent, il doit y avoir des cafards comme c'est pas permis, elles vivent dans les taudis. Quand elles sortent, en revanche, elles sortent de la chambre, si elles vont au centre-ville, elles sont apprêtées comme si les nanas étaient des princesses, quoi. Donc ça, c'est quelque chose de positif, c'est qu'en général, les femmes là-bas font très attention à elles. Ensuite... qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Oui, alors les relations humaines, ça, c'est vraiment très particulier là-bas. C'est-à-dire que, par exemple, le groupe d'étudiants que j'avais rencontré, ils étaient très sympas. On a passé une après-midi ensemble, ils m'ont amené au musée. Les deux mecs du groupe m'ont traduit certains passages de l'exposition, machin et tout. Donc c'était assez intéressant du point de vue culturel. Et après, je me suis dit, bon, ben, vu que je reste quand même 2-3 semaines, je vais peut-être me faire des potes, je vais peut-être les revoir. Ben, en fait, pas du tout. C'est-à-dire que vous avez beau avoir le numéro de téléphone des gens, il y a une des filles, en fait, je lui ai demandé de m'envoyer le numéro de téléphone du gars qui s'appelait Eugène, parce que je n'avais pas le numéro d'Eugène, et je lui ai demandé d'envoyer les photos qu'elle avait prises de nous durant la journée. La meuf m'a simplement bloqué. Et le truc, c'est que je ne sais pas si c'est parce que je ne parlais pas ukrainien ou si c'est parce que je devais rentrer et que de toute façon, ça ne les intéressait pas de nouer amitié plus que ça. Mais les relations là-bas, c'est vraiment particulier. C'est-à-dire que, par exemple, alors toujours via l'application Couchsurfing, avec des gens qui disent bon ben voilà, on va se voir à telle heure avec plein de gens et tout. Puis en fait, 10 minutes avant le rendez-vous, bah personne. Voilà. Et en fait, le sport national là-bas, c'est ce qu'on appelle en anglais le flaking. Et le sport national, en fait, c'est de coller des lapins aux gens, quoi. Donc c'est vraiment très particulier. Mais ça, c'est encore c'est mon expérience. C'est-à-dire que quand j'étais là-bas, j'ai rencontré un mec qui, lui, avait des amis ukrainiens avec qui il avait combattu. Et forcément, ces gens-là, eux, au contraire, c'était des gens de qualité, des gens, forcément, ils étaient très soudés parce qu'ils avaient passé des moments difficiles ensemble, et des gens sur qui ils pouvaient compter. Et donc, moi, j'avais une amie qui était là-bas, qui était suisse. Et cette amie-là, en fait, elle avait aidé un Ukrainien qu'elle connaissait lors d'une exposition sur le tourisme à Paris, et en fait le deal c'était qu'elle parte travailler là-bas pendant 2-3 mois sans être payée, mais que le mec lui paye une chambre correcte. La nana a eu tous les déboires du monde, en fait. C'est-à-dire que quand elle est arrivée, déjà personne s'est pointé à l'aéroport pour la chercher. Alors elle parle ukrainien, heureusement, elle connaît la ville, mais personne s'est pointé pour la chercher. Ensuite, lorsqu'on lui a filé une piole, c'était pas sa piole, en fait elle dormait dans un lit qui était déjà occupé par un autre ukrainien, donc elle avait partagé le lit avec, où le mec a été envoyé dormir ailleurs, et le lit était situé dans une piole, dans une chambre dans laquelle il y avait déjà un couple qui dormait dans leur propre lit. En fait, c'est vraiment très africain ce que tu nous racontes. Ouais. Non, mais c'est incroyable, en fait. Moi, je suis vraiment tombé des nues, hein, quand j'étais là-bas. Donc, bon, sans raconter tous les déboires qu'elle a eus, elle a eu c'est juste le dernier jour, en fait, ou l'avant-dernier jour, que le mec s'est montré enfin correct et qu'il lui a trouvé une piole, genre pour les deux derniers jours qui restaient, ou les trois derniers jours qui restaient. Sinon, elle a été baladée, elle a été obligée d'aller dans un Airbnb. Tiens, d'ailleurs, elle a pris un Airbnb chez une dame, donc la capitale, hein, de l'Ukraine, quoi. Elle paye donc 10 euros la nuit, c'est pas énorme. Elle y dort 2 jours. Et quand elle nettoie son lit, en fait, qu'elle fait le lit, elle secoue la couette et se rend compte que dans le lit, bah, y avait des merdes de chats séchées. Oh non. Ouais, voilà. Airbnb, Kiev, bonjour. Tout se passe bien. Oh non. Ouais. Et, enfin, est-ce que vous avez des questions en particulier? Parce que là, j'ai dit pas mal... À un moment donné, tu nous as parlé aussi d'un bar nationaliste. Ça, c'était pas mal, ça. Ah oui. Alors lequel? Parce qu'en fait, celui qui était... À un moment donné, il y avait un bar nationaliste, mais il était spécial, quoi. Alors, parce qu'en fait, il y a une... À Kiev, il y a une chaîne de... Enfin, en Ukraine, apparemment, il y a une chaîne de bars qui s'appelle les Porter Pubs. Et ce sont des pubs donc, dans lesquels vous avez de la bière à pas cher. C'est 1 euro en ce moment à la pinte, hein, franchement. Puis vous avez de la bouffe qui est correcte. Et celui-là, en fait, qui est pourtant en plein centre de Kiev, la déco, en fait, c'est... vous avez des Totenkopf, vous avez des drapeaux d'Assov, du Pravi Sector, vous avez des photos de guerre, en fait. Et c'était un des pubs dans lesquels, apparemment, beaucoup d'anciens soldats allaient, ou de nationaux. Donc c'est vrai que c'était assez, assez sympa. Mais, grosse surprise, j'y ai vu débarquer des nègres. Voilà. Deux nègres, donc deux étudiants, avec un Ukrainien qui m'a traité de raciste au bout de 30 secondes, parce que je sais plus ce que je lui dis, mais en gros, je lui dis que les nègres avaient rien à faire ici, quoi. Donc, même dans les bars nationaux, ben voilà, quoi, vous tombez sur ça. Et puis, de toute façon, ils peuvent rien dire, parce que s'ils disent quelque chose, c'est pareil, maintenant, il y a des caméras partout, donc... À un moment, quand j'avais vu des rebeux devant le métro, là, en train d'alpaguer des gamines de 16-18 ans, moi, j'avais qu'une envie, c'est d'aller voir les mecs et leur dire, bon, t'es pas à Paris, quoi. Hein, t'es pas en France, donc tu vas te calmer, tu vas lâcher les petites douchkas, quoi. Et en fait, c'est ultra surveillé de partout, des caméras de partout, vous pouvez rien faire en centre-ville, quoi. Parce que on m'avait dit, moi, à l'époque, après Maïdan, en fait, les mecs faisaient la chasse à tout ce qui était genre, à tous les fils de pute en centre-ville, et que la ville était vraiment hyper clean, quoi. Bah maintenant, vous pouvez plus. Parce que c'est comme à Londres, c'est comme partout, c'est super surveillé, et puis les mecs ne veulent pas avoir de problèmes et veulent rentrer dans l'UE, donc en gros ils sont en train de se laisser envahir aussi. Oui, enfin il faut surtout dire que le gouvernement est tenu par les juifs, C'est ça la réalité. Hein. Le Premier ministre est juif, le président est juif. Hein, et là-dedans, c'est la fête. Bah déjà, là, tu vois, l'Ukraine présentée comme ça, c'est... Alors, bon, est-ce que tout le pays est comme ça? Est-ce qu'à la campagne, c'est comme ça, etc. Bon, je laisse les auditeurs y réfléchir, s'y intéresser. Bon, on verra. Mais déjà, tu nous as donné un bel aperçu, là. Et alors, tu as poursuivi ton périple et tu es allé jusqu'en Hongrie. Et en Hongrie, alors la Hongrie qui quand même est... Bon, dont on peut dire d'ailleurs le plus grand bien au niveau gouvernemental, quoi. Je veux dire, Orban, on peut pas dire qu'Orban soit un salaud ou du tout. Enfin, je veux dire, il est quand même, il essaye de protéger, de préserver la Hongrie autant que faire se peut de l'évolution, on va dire, à la française ou à l'allemande qui guette. Mais la Hongrie, c'est pas non plus. Espèce de d'État national-socialiste au cœur de l'Europe. Tu peux nous en dire plus sur ton séjour en Hongrie ? Ouais, alors je vais juste finir un truc sur l'Ukraine et après je vais basculer sur la Hongrie. Donc je suis resté 3 semaines en Ukraine, en Hongrie j'ai fait que 2 jours, mais j'ai vu quelque chose déjà en Hongrie. Bon, l'Ukraine, on nous fait souvent, on nous parle souvent de ces espèces de guerrières vikings ou ces gonzesses qui se prennent pour des bonhommes, machin et compagnie. Truc très drôle, enfin très drôle non, mais c'est-à-dire que c'est assez émouvant d'ailleurs, c'est que pas loin de l'artère principale là, de Kiev, donc vous avez une rue qui remonte vers le siège du gouvernement, et c'est là qu'il y a eu tous les combats durant la révolution de Maïdan en fait. Et donc il y a des monuments, il y a des photos des gens qui sont morts, ils les appellent les 100... les 100 guerriers célestes ou je sais plus quoi, un truc dans le genre. Et en fait, dans ces 100-110 personnes qui sont mortes, vous avez que 3 femmes qui sont mortes. Donc bon, déjà, l'égalité homme-femme, voilà. Hein. Qui c'est qui meurt au combat? Qui c'est qui essaie de faire changer les choses? Bon, c'est les bonhommes. La Hongrie, donc j'ai juste fait un transit en Hongrie. Alors la ville est très belle, Budapest, hein. Ça, il n'y a pas de souci. En revanche... J'ai été vraiment choqué par la faune qu'on peut voir. Alors déjà, les populations ne sont pas du tout pareilles. Hein. Autant en Ukraine, les femmes sont très belles. Quand vous arrivez en Hongrie, bon, elles sont bien moins grandes, elles sont bien moins minces. Il y en a des jolies, mais ce n'est pas la même population. Quoi. Ensuite, j'ai été choqué par 2 choses. Alors premièrement, dans les métros, vous voyez des réfugiés syriens, les vrais, là, avec des gueules patibulaires, quoi. Des réfugiés syriens et des clodos qui dorment sur des matelas dans les stations de métro. Et bon, vous avez la police qui passe et compagnie, mais ça fait vraiment tiers-monde, quoi. C'est incroyable de voir que dans la Hongrie d'Orban, alors moi j'entends toujours les gauchistes ici dire « Ah oui, Orban, fasciste, nazi, machin, compagnie », tu débarques là-bas et tu vois des Syriens dans les stations de métro à côté de je sais pas quoi, édenté, complètement déchiqueté à l'alcool, quoi. Et tu dis que ça fait vraiment mauvais effet, quoi. Et deuxièmement, autant en Ukraine, je n'ai eu aucun souci de sécurité, mais vraiment, quoi. Autant en Hongrie, deuxième jour, je me balade dans une rue très touristique, piétonne, et là je me fais alpaguer par un putain de Romain Michel qui veut me vendre un iPhone, quoi. Alors je lui fais un signe genre je suis pas intéressé, je continue à tracer, et là le mec me suit sur 50 mètres, à un moment je lui dis en anglais « bon, dégage, quoi ». Et là, il y a un autre homme qui entend ça, il me fait « dégage », enfin, en anglais, donc, il me dit « dégage, quoi, dégage, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre ?» Et là, le mec commence à ranger, je crois qu'il a rangé quelque chose dans une sacoche, et là, je me suis retourné, je l'ai arrêté, je lui ai dit « tu fais quoi, là ?» Puis je me suis barré. Et en fait, j'ai continué à marcher, et à un moment, j'ai entendu siffler. Et donc, au début de la rue, il y avait un groupe de 6 Roms. Là, quand j'ai dit au mec, donc c'était environ 150 mètres plus loin, ouais, non, 100 mètres plus loin, quand j'ai dit dégager, il y avait 3 autres Roms. Plus loin dans la rue, il y en avait 3 autres. Et encore plus loin, il devait y en avoir d'autres. Et donc, à un moment, le Rom qui était derrière, le Rom vénère, qui voulait se battre, et franchement, j'avais autre chose à foutre que me battre dans un pays comme ça et d'aller en tôle, commence à siffler. Et là, il essaie de prévenir ceux qui sont les Roms qui sont qui sont devant à 20 ou 30 mètres de moi, quoi. Bon, les mecs captent pas, moi je passe, et puis je continue à marcher. Et puis à un moment, je me retourne, et puis là, je vois quatre Roms qui sont en train de me suivre, quoi. Je me dis, c'est quand même formidable, putain, j'arrive en Hongrie, j'ai pas eu de problème en Ukraine, où c'est vraiment la misère, pendant 3 semaines, et là, 2 jours en Hongrie, putain, déjà, les Roms qui me cassent les couilles. Bon, il s'est rien passé, en fait. En revanche, toujours avec les Roms, c'est incroyable, en fait, quand vous vous baladez. Alors, dans les quartiers à touristes, vous allez avoir des Roms partout, et les mecs vont voir, soit essayer de vous fourguer des iPhones, soit vous fourguer de la drogue, en fait. C'est moi, le nombre de Roms qui m'ont alpagué en me disant cocaïne, drogue, machin, ecstasy et compagnie. Et là, tu te dis, c'est incroyable, quoi. Je veux dire, c'est au su et au vu de tout le monde, quoi. Les mecs sont dans la rue et ils te proposent des drogues dures comme ça, tranquille. Et personne ne dit rien et tout le monde trouve ça normal, quoi. Voilà, c'est... Ah bah, la Hongrie, là, tu me l'as présenté sous un jour nouveau, je t'avouerai. Hein. Tu voudrais pas travailler pour l'agence de voyage? Je pense que ça ferait. Après, c'est comme partout, hein. Mon expérience en Ukraine, elle a été somme toute assez négative. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, le mec que j'ai rencontré là-bas, lui, son expérience en Ukraine a été super, quoi. Ça dépend vraiment des gens que vous connaissez. Mais il faut quand même comprendre que ces pays-là, c'est pas... Bon, la Hongrie, les gens sont beaucoup plus sympas déjà. Moi, j'ai pu parler avec des gens, hommes ou femmes. J'ai pu leur demander en anglais des directions, machin. Les gens comprennent l'anglais, donc ils peuvent bien mieux vous renseigner. J'ai même parlé pendant 10 minutes, un quart d'heure de politique avec un mec random rencontré juste au pied d'une statue de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est quand même plus sympatoche. Mais après, bon voilà, c'est pas chez nous, quoi. On comprend... Enfin, moi, je sais que je suis pas arrivé là-bas en mode je suis un gros con de l'Europe de l'Ouest et je vous pisse au cul, je me comportais comme un connard. Juste arrivé en étant tranquille, quoi, et bah, j'ai quand même pris un choc culturel assez important, quoi. Alors, bon, t'as un récit qui est intéressant, c'est le moins qu'on puisse dire. Qui a envie d'y réagir, là? Moi, je prendrais bien des réactions comme ça, Choporovitch. Ce que je comprends, en fait, du témoignage de Hopman, c'est qu'en fait, ces pays-là sont en voie de dégénérescence ultra rapide, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont en train de nous rattraper. Et que ce n'est pas du tout les paradis nationalistes qu'on peut se figurer en voyant ces pays au travers du prisme des médias occidentaux. Je me trompe? Bah, c'est Hopman qui peut répondre. Est-ce qu'il se trompe? Non, tu te trompes pas. Ils sont en voie de dégénérescence aussi, parce que, comme je vous dis, hein, y a le féminisme, il y a les gender théories qui vont arriver aussi, ça va prendre plus de temps, hein, mais les gars du gouvernement vont faire mettre tout en œuvre pour bousiller ces pays-là aussi, ça me semble évident. Hein. Enfin, quand même, t'imagines la meuf là, en Ukraine qui te dit « Bonjour, moi je fais un master en féminisme », putain, c'est quand même déjà vachement avancé, hein. Bah ouais, et d'ailleurs moi c'est quelque chose qui m'a profondément motivé, c'est-à-dire que il y a vraiment pas d'échappatoire, c'est-à-dire que quand j'entends moi des nationalistes ici nous dire oui mais faut aller ici, faut aller là-bas, nanani nanana, vos gueules. En gros, où que tu ailles, c'est la merde. Tu vas aux USA, c'est la merde. Tu restes en Europe de l'Ouest, c'est la merde. Tu vas en Europe de l'Est, c'est déjà la merde. C'est vraiment la merde pour des raisons économiques ou relationnelles ou de mentalité, parce que c'est quand même des putains de nègres blancs. Mais ça va devenir aussi la merde du point de vue idéologique et racial. Donc le truc, c'est qu'à un moment, il va juste falloir... Alors si vous voulez aller en Hongrie, tant mieux. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Si vous voulez aller en Ukraine, tout n'est pas négatif non plus. Hein. Si vous allez dans la campagne, je pense que vous allez trouver des gens qui sont quand même beaucoup plus sains, quoi. C'est quand même... Faut quand même bien comprendre que les capitales à travers le monde, c'est quand même des cesspools, comme on dit. Hein. C'est vraiment le caca, quoi. Mais le truc, c'est que il faut vraiment s'enraciner là où on est et combattre, quoi. Il faut faire la contre-propagande, il faut mener le combat là où on est. Effectivement, les tous les pays sont pas les mêmes. Donc c'est vrai que par exemple, vous allez aux USA, vous avez encore un petit peu, même s'ils sont en train d'essayer de les censurer, vous avez encore la liberté d'expression, vous avez le droit aux armes, patati patata. Oui, vous allez au Montana, c'est quand même, y a quasiment personne, il y a quasiment des blancs. Donc, oui. Pour les États-Unis, c'est surtout par rapport au travail hein, que c'est avantageux. Oui, aussi. Bah, moi, c'est un petit peu instinctif, hein, parce que c'est vrai que je n'ai pas particulièrement d'expérience dans ces pays-là. Cependant, j'ai rencontré des gens qui venaient de diaspora, et pas des juifs, attention. Hein. Alors, diaspora d'Europe de l'Est, aux États-Unis, bien évidemment, des Polonais, qui sont quand même pas mal représentés ici. Et de la part de ces gens-là, souvent, très souvent, il y a cette idée, enfin, en ce moment particulièrement, avec le bloc de Visegrad, etc., etc., l'idée que voilà, ça va être l'avant-garde de la défense de l'Europe contre l'invasion migratoire, contre l'islam, on a vu. Et en fait, quand on s'intéresse hein, à ces gens-là, à ce qu'ils racontent, même aux nationalistes hein, qui représentent ces pays-là et qui viennent en parler, peut-être bon, principalement francophones, hein, moi je ne parle pas ces langues-là, mais il y a des gens qui prétendent représenter, etc., nous raconter un petit peu comment ça se passe, et en faire de la pub, hein, de la propagande, très, très clairement. Et ça reste toujours, quand on s'intéresse vraiment à ce qu'ils racontent, du nationalisme civique. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont là, oui, nous, on est sérieux, on est solide, on défend nos frontières, voilà. Et puis, par curiosité, tu as envie de leur poser la question, mais alors... au niveau racial, voilà, si vous avez, par exemple, des Africains qui auraient la nationalité hongroise ou polonaise, et ben là, tout d'un coup, tu te rends compte qu'en fait, ils n'ont pas envie d'être racistes non plus. Hein. Et en fait, ça pêche un petit peu par là, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans une défense du nationalisme très, très à l'ancienne, de notre point de vue à nous. Alors ça peut être bien pour défendre effectivement son petit précaré dans le cas peut-être de la Hongrie ou de la Pologne, etc. Moi, c'est ce qui m'avait choqué un petit peu avec l'histoire de Orban, qui faisait construire des grillages sur sa frontière tout en mettant des moyens pour expliquer aux migrants comment mieux atteindre les pays d'Europe de l'Ouest, etc. Voilà, c'est-à-dire que, bon, nous, on se protège, mais vous, on va vous balancer tout le caca dans la gueule. Et on va les aider à ce qu'ils arrivent bien à destination. Donc moi, je suis très sceptique par rapport à tout ça. Je pense que ce sont des gens, ce sont des peuples qui ont une réaction à ce qui se passe, qui est une réaction déjà périmée, c'est-à-dire un nationalisme du 19e siècle, qui n'ont pas... Enfin, les gens qui nous en font la propagande... font comme si ça partait d'une conscience raciale. C'est peut-être le cas dans le peuple, voilà, les classes vraiment populaires, je ne sais pas. Hein, mais quand on s'intéresse soit au discours, à ce que publient des organisations, etc., jamais, jamais, jamais hein, de référence à la question raciale. Même quand on parle de questions migratoires, c'est strictement la question migratoire, sans considération de couleur, d'origine, n'est-ce pas ? Je ne crois pas que le salut viendra de gens qui se sont vendus, qui se sont fait berner ou qui se sont fait mater par la force, dans certains cas, par le communisme, il y a de cela un siècle, etc., etc. C'est-à-dire que ça ne peut pas venir de là, je ne le pense pas. Et à chaque fois que je vois des gens qui sont issus de ces diasporas, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à défendre leur précaré à eux, c'est-à-dire défendre leur petit jardin, mais quand on parle de dire non aux Africains, de dire non aux Arabes, de dire non à je ne sais quoi, par exemple aux États-Unis, alors là non, par contre là c'est du racisme, vous comprenez, et là c'est méchant, c'est-à-dire, c'est le cas, et beaucoup de Polonais auraient un discours comme ça ici, ce qui est absolument affligeant. Donc c'est une et j'ai pas l'impression chez eux que ça soit un double discours comme on peut trouver chez les juifs par exemple qui sont d'une malhonnêteté phénoménale, mais bon c'est caractéristique chez eux, mais je pense que chez ces gens-là c'est plutôt vraiment qu'ils sont dépassés, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont envie de mettre en place un nationalisme qui est déjà périmé et qui à mon avis dans les années à venir, enfin c'est mon avis hein, j'espère me tromper pour eux, mais qui, à mon avis, va faire la preuve qui ne va pas résister à l'offensive idéologique qui leur arrive sur la gueule, ce bon, dont Hoffman a pu nous donner quelques petits exemples pendant son voyage en Ukraine, etc. etc. Bah, Soros, par exemple, il faut savoir, bon, déjà, il a transféré toute sa fortune pratiquement à des fonds, à sa fondation, qui est en fait une organisation subversive internationale, voilà. Je crois que c'est 18 milliards de dollars. Et alors lui, je sais qu'il a, il a fixé comme date le renversement du gouvernement polonais d'ici à 2020, si vous voulez. Parce que c'est des boulots qu'ils ont fait longtemps à l'avance, hein. D'ailleurs, Soros a, a joué un rôle important dans, le, dans, dans, dans les actions en Ukraine depuis, enfin, depuis très longtemps, depuis, de, depuis les années 90-2000, quoi, hein. C'est quelqu'un qui... C'est, ce sont des, ce sont, et il n'y a pas que lui, d'ailleurs. Donc ce sont, c'est un travail de sape qui est à long terme. C'est jamais à l'année, c'est pas dans deux ans... Eux, ils voient 20, 30, 40 ans, hein, les gros poissons, quoi. Donc, quand vous avez quelqu'un comme Soros qui met des milliards sur la table pour dégommer un gouvernement, hein, le gouvernement polonais, parce qu'il estime que, voilà, il bloque, bon, il va se passer des choses. Et là, ça rejoint un peu ce que tu dis. C'est-à-dire, alors, est-ce que les Polonais vont résister ? C'est-à-dire que vont résister en fait à l'entreprise juive de subversion menée par Soros et d'autres pour en fait, voilà, transformer leur pays en poubelle africaine nègre comme c'est déjà le cas en Europe de l'Ouest ou pas. Bon bah ça c'est la question. Ouais, moi je vais te répondre tout de suite parce que je le vois arriver à 3 km. Bon, sur mon expérience personnelle avec des interactions avec des Polonais, des nationalistes polonais ou des Polonais aux États-Unis. Il va suffire de leur foutre des nègres avec des drapeaux polonais qui chantent l'hymne polonais, machin. Et les mecs, ils vont applaudir, ils vont être très contents, ils vont faire la fête. Et on va leur vendre, tu vois, un peu comme on nous a vendu le nationalisme avec Zinedine Zidane, tu vois. Ça va être la même chose. Bon, ça va pas être les Arabes. Je pense qu'eux, on va pas leur faire avec les Arabes parce qu'effectivement, ils ont peut-être une petite allergie à l'islamisme, hein, éventuellement. Mais je ne crois pas au racisme des Slaves, en fait. Parce qu'ils ont une attitude... Enfin, ils aiment faire la posture des victimes du nazisme, des victimes d'Adolf Hitler, du suprémacisme racial. Et oui, pour quoi, cette raison-là... On est victimes des Polonais, nous. Oui, oui, bon, oui, effectivement, nous, effectivement, on a les Polonais, quelque part, c'est grâce à la Pologne, hein, qu'on a permis, effectivement, il faut le rappeler, grâce à la Pologne. Et grâce à la Pologne qu'on a failli crever l'Europe. Voilà, défaite du nazisme, donc merci, quelque part, déjà les Polonais, il faut leur dire merci une fois de temps en temps, quand même, il faut le rappeler. Mais ces gens se vivent comme toujours aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est ça que j'ai comme problème avec eux, c'est-à-dire que ces nationalistes polonais qui sont là et qui feraient confortablement, tu vois, sans sourciller la promo des bobards de guerre soviétiques, par exemple, à propos des nazis, etc., ou qui continueraient, enfin, tout ça pour, voilà, continuer encore aujourd'hui, n'est-ce pas, dans les années 2000, à se défendre contre l'ignominie hitlérienne. Ces gens-là ne seront jamais véritablement racistes parce qu'ils se vivent comme des putains de victimes. En définitive, du racisme. Et donc, quand le rouleau compresseur va arriver et qu'on va vraiment, comme tu disais, Soros va vraiment vouloir mettre des millions, des milliards, etc., derrière un projet de renversement du gouvernement polonais, eh ben moi, je te dis qu'on va leur foutre des nègres patriotes, des Pakistanais patriotes, des n'importe quoi patriotes. Et puis les Polonais, comme ils sont cons comme des balais à ce sujet-là, tant que, voilà, les Polonais, enfin les Polonais, les Nègres, les Pakistanais, les je sais pas quoi, seront des gentils nationalistes avec des jolis drapeaux polonais, et ben ils vont valider, tu vois, ils vont valider parce qu'ils sont pas racistes. Ils sont pas racistes, parce que le racisme, c'est méchant, le racisme, c'est pour Adolf Hitler, tu comprends? Et puis on n'est pas les Blancs, finalement, tu vois, le nationalisme blanc, quelque part, c'est pas sérieux, tu vois, je veux dire, on est tous différents, on a tous des ethnies différentes, je veux dire, on a tous nos spécificités, je veux dire, ça serait con de vouloir... voilà, quelque part se regrouper pour faire un front contre des gens qui auraient des projets. Hein. Non, voilà, il faut rester chacun dans son petit coin, défendre son petit jardin, et c'est comme ça qu'on... Voilà, tu vois, hein, le Polonais, il a tout compris. Bon, je sais que c'est perdu d'avance pour ces gens-là, c'est une question de temps. Alors après, peut-être le futur me donnera tort, Je ne pense pas. Vraiment. Ouais, ouais, ça c'est bon, c'est un point de vue. Quelqu'un d'autre veut réagir là-dessus ou pas? Personne a priori. J'ai pas tout dit quand même, les gars. Oh. Non, il a pas tout. Non, enfin, t'as pas tout dit, mais en même temps, un petit peu quand même. Par exemple, il y a le phénomène très connu des Polonaises. Alors là, pour le coup, parce que les gens disent oui, mais culturellement, etc., les Polonais. Ils seraient préservés, vous voyez, ils auraient une éducation traditionnelle. Bah, il y a le phénomène absolument connu en Grande-Bretagne de la Polonaise qui vient bosser, genre de la ménagère polonaise qui arrive à Londres et qui en 2 ans se fait engrosser par un putain de nègre. Ça, c'est ultra connu, ça. C'est rempli dans la presse de faits divers. Tu vois, comment dirais-je, Maria, truc, machin, marié avec, tu vois, le gros nègre hirsute, tu vois, et puis en fait, le type l'a planté alors qu'elle était enceinte. Enfin, moi, j'ai vu des histoires comme ça, invraisemblables, tu vois, de Polonaises qui allaient en Grande-Bretagne faire du cash, quoi, mais qui mettaient pas 2 ans à se foutre à la colle avec des nègres ou des Pakistanais ou des trucs comme ça, hein. C'est vraiment, c'est avéré. Il suffit de lire la presse britannique, quoi, hein, quotidienne, quoi. Enfin, la presse, quand je dis la presse quotidienne, c'est les quotidiens britanniques qui parlent des faits divers. Et là, on trouvera des trucs comme ça, et on devrait se dire, bah, c'est quand même bizarre pour des catholiques qui viennent de la Pologne, la fin de la Pologne qui est pas très moderne encore au plan économique et tout, puis qu'elle se jette dans les bras de trucs comme ça, quoi. Parce que nous, on se dit, bon, nous, on a nos putains nègres, mais elles ont été rééduquées, rééduquées. Elles allument la télé, il y a Hanouna qui rigole et qui met une blonde avec un gros nègre. Bon, tu vois, voilà, c'est-à-dire qu'ils sont quand même passés à la moulinette, alors qu'eux, ils sont censés être dans un pays un peu à l'ancienne et tout, qui est géré par le clergé réactionnaire, comme on dit. Bon. Voilà, quoi, c'est pas la partouze Ardisson, je sais pas quoi, la télévision, quoi. Et en fait, tu te rends compte que ça n'a absolument aucune incidence, c'est que dès qu'ils arrivent en Occident, bah, ils courent derrière les négros, hein, voilà, exactement. Parce qu'ils ne sont pas racistes. Ce sont des victimes d'Adolf Hitler, c'est ça, quoi. Justement, moi, je veux souligner ça. Parlons un petit peu de ce point précis. Alors, on a parlé de l'Ukraine, enfin, Opan a parlé de l'Ukraine et ensuite on a parlé de la Hongrie. Dans le cas de la Pologne, c'est un cas intéressant. J'ai vu la manifestation nationaliste qui a beaucoup fait parler. Alors, les gens étaient très contents en France. Oh là là, les nationalistes, ils sont des dizaines de milliers et ils défilent dans les rues et puis c'est contre l'islam. Bon, effectivement, j'ai pas de raison de me plaindre d'avoir des manifestations de cette nature dans un pays européen. C'est bien, tant mieux. Bon, mais après, ça rejoint ce que tu dis. Les drapeaux sous lesquels défilaient, évidemment, qu'est-ce qu'ils mettaient? Ils mettaient une faucille, un marteau barré et une croix gammée barrée. C'est-à-dire qu'ils disaient, voilà, le nationalisme polonais au-dessus de tout, tu vois. C'est-à-dire que quand tu fais des manifs contre l'islam, tu as besoin de préciser que tu es aussi contre le nazisme. Tu vois, voilà, c'est ça. Alors les mecs, ils disent, oui, mais vous comprenez pas, ils ont été occupés, il y a 3 millions de Polonais ont été tués par les Allemands, et ceci, et cela, etc. Alors, mais. Moi, c'est là qu'on en arrive un petit peu au point où je voulais en venir, et que t'as toi-même abordé, c'est-à-dire que les Polonais, enfin Adolf Hitler a été méchant avec Slav, etc. Mais franchement, pourquoi Adolf Hitler n'aurait-il pas été ultra brutal avec ce peuple qui est rentré en collusion avec les juifs et les démocraties et les plutocraties occidentales en 1939, plutôt que de créer de trouver des termes d'entente avec l'Allemagne. Et que les types ont été jusqu'au boutistes en se disant « Ah oui, mais la finance anglaise va nous soutenir, ils nous ont promis ci, ils nous ont promis ça, la finance new-yorkaise est derrière nous, nanana, et vas-y, et là, ah là là, les Allemands, allez vous faire enculer, quoi. » Allez vous faire enculer, par contre, les juifs new-yorkais, eux, sont... Voilà, c'est ça. Et en fait, oui, bon, enfin, faut dire qu'en Pologne, à l'époque, il y avait quand même un petit peu des 3 millions de juifs aussi. Hein. Bon, voilà. Et alors, c'est cette formidable Pologne très catholique, n'est-ce pas, hein, donc, qui était, comme je l'ai dit, où il y avait 3 millions de juifs et qui était liée, en fait, à toute la plutocratie occidentale de l'époque. Donc, cette grande Pologne catholique faisait barrage, effectivement, à Adolf Hitler. Bon. Il se trouve que le conflit polonais est devenu un conflit européen puis mondial, enfin en tout cas un conflit européen. Bon, Adolf Hitler, qui ne voulait absolument pas d'un conflit avec les puissances occidentales, se retrouve dans une situation où, à cause de la Pologne, son pays se fait pulvériser à coups de bombes, de bombardements aériens. Il est obligé enfin, le conflit n'a de cesse de s'étendre. Les Polonais s'attendaient à quoi ? Je veux dire, ils s'attendaient à quoi ? À ce que, je veux dire, ils soient traités aux petits oignons, que voilà, excusez-nous, on est obligé de passer par chez vous parce que quand même, on a un combat à mener contre, bon, un petit peu l'Union soviétique. Bon, c'est quand même pas non plus, voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, je veux dire ? Donc, et ces gens-là, aujourd'hui, tu vois, non, mais non seulement ils ont aucun recul sur eux-mêmes, c'est-à-dire que les mecs disent même pas, putain, on est à l'origine de la plus grande catastrophe de l'histoire du continent européen, mais en plus, ils s'en font un titre de gloire, et ils utilisent ça comme légitimation de leur propre nationalisme. C'est-à-dire qu'ils disent, notre nationalisme est légitime parce que nous sommes anticommunistes et anti-nazis. Alors là, tu dis, mais... Oui, c'est-à-dire, leur nationalisme est légitime parce qu'il est compatible avec les juifs. Mais ça, non, mais ça, c'est une race à mettre au four indirectement. Hein, enfin, bon, voilà, liberté pour mes propos, tout ça, voilà. C'est bon. D'accord. Donc, c'est pour ça, moi, la slavitude politique, j'ai du mal de toute façon, quoi. Ensuite, bon, les Polonais, ensuite, vers le côté conservateur réac, un peu imperméable comme ça, le côté un peu épidermique face à l'islam et tout. Bah oui, parce que pour des raisons, j'ai dit, ils sont restés au frigo soviétique, et avant le frigo soviétique, il y a eu la guerre, et avant la guerre, bon, ils étaient indépendants depuis 1920, les années 20, bon, en fait, bon, voilà, ils n'ont jamais tellement été branchés, je veux dire, avec la grande vague de domination que l'on connaît en Occident, sauf depuis vraiment la chute du mur, et encore très lentement. Donc là, ils commencent à rentrer maintenant tout doucement dans ce truc-là. Alors, je dis pas qu'ils vont connaître nécessairement la même évolution que nous. Hein. Je suis pas en train de jouer l'oracle, là. Mais, ils ne font que commencer à jouer. Alors que nous, ça fait au minimum 200 ans qu'on affronte la chiasse. Faut quand même comprendre ça. C'est-à-dire qu'on n'en est pas là où on en est par hasard. C'est-à-dire, ça fait 200 ans qu'on s'affronte à ça. Alors que ces gens-là, ils ont eu le communisme, mais en fait, ils ont eu le communisme, faut voir lequel, quoi. Staline, genre le communisme de Staline, bon, c'est une espèce de truc bon, ultra autoritaire, ultra brutal, mais en même temps, c'est militarisé, c'est évident que c'est pas le trotskisme. C'était pas à coup de films porno interraciaux. Voilà, c'est ça, c'est pas le trotskisme, quoi, c'est pas le judéo-trotskisme, c'est autre chose, quoi, c'est la brutalité slave. Sous le drapeau rouge, en fait, le panslavisme russe, sous le drapeau rouge, voilà, donc, bon, Pierre le Grand, il y a eu toute une série de tyrans russes, bon, voilà, c'était Staline, bon, voilà. Bon, voilà. Donc, effectivement, moi, et puis je discute avec des gens, y a aussi un sujet qui est connexe, parce qu'il y a beaucoup de gens, nationalistes, en fait, qui en viennent à aimer l'Est. Enfin, bon, j'ai jamais aucun problème avec des gens qui aiment des territoires, des pays, des cultures, des langues. Bon, ça me dérange jamais, bien sûr. Mais il y en a qui en viennent à survaloriser l'Est, faisant fi du contexte dont on a parlé, à cause des femmes. C'est-à-dire qu'ils vont... Il y a en fait l'idée... Ouais, je vais me trouver une petite... Oui, c'est ce qu'on appelle le mythos, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas tellement qu'ils valorisent l'Europe de l'Est en tant que telle, c'est qu'ils ont une appétence, un attrait pour les femmes de l'Est qui sont belles, etc. Alors, là encore, je dis pas qu'elles sont pas belles. Hein. Je les connais pas. Donc, j'ai vu des Baltes, j'ai trouvé les Baltes très jolies, mais je les connais pas non plus, je connais pas leur caractère, j'en sais rien, je veux dire. Mais... Disons que, encore une fois, misère sexuelle aidant, certaines personnes peuvent être tentées, tu vois, d'idéaliser un petit peu l'Est en disant, bah, leurs filles sont très belles, donc leurs pays sont très beaux, quoi. Et moi, je discute avec des gens qui vivent en Europe de l'Est depuis longtemps, qui sont pas du tout des tocards, hein, c'est-à-dire que c'est des mecs, ils ont des entreprises, ils sont installés et tout là-bas, ils connaissent très bien, ils parlent la langue. Ils me disent un peu la même chose, quoi. Ils me disent, attendez, les filles de l'Est, elles sont très belles, elles sont très gentilles, mais elles te pompent tout ton blé. Alors, en règle générale, les femmes te pompent ton fric, mais c'est clair que le deal avec les filles, je sais pas, ça peut être d'Ukraine ou ça peut être d'ailleurs, quoi. Je n'ai pas de nationalité en tête, quoi, mais les nénettes vont te pomper ton blé, et non seulement ça, mais elles vont te pomper ton blé pour la famille. Pour la famille, et tu te retrouves un petit peu, c'est un peu le phénomène algérien, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas épousé une nénette, tu as épousé la famille, en fait, tu vois, et tu ne le savais pas. Tu vois, donc tu as épousé les frangins, tu as épousé le père, tu as épousé toute la tribu, quoi. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire, ah oui, mais tu comprends, mon père, il a des problèmes de santé, il faut payer GG. Alors bon, le mec, bon, ça coûte combien Ah bah, 2 000 euros, là, hein, 2 000 euros quand même. Hein. Bon, le mec, il aime le cul de la fille, allez, 2 000 euros, quoi. Bon, la fois suivante, c'est le beau-frère, tu vois, il lui faut un appareil dentaire. Et puis en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas d'appareil dentaire, il n'y a pas plus d'appareil dentaire que de beurre en broche, quoi. C'est qu'en fait, les types sont en train de se construire une maison, de se rénover, je sais pas quoi, ils veulent une nouvelle bagnole. Enfin, c'est des embrouilles comme ça, quoi. Et bon, la slavitude passe slavitude, aussi. Slavitude et sémitisme. Slavitude et chatte, quoi. C'est-à-dire oui, ah bah oui, bien sûr. Oui, ça... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui. Enfin, moi, la plupart des mecs qui m'ont parlé avec un regard extatique de l'Europe de l'Est, d'ailleurs, qui ont pu y aller, qui ont pu avoir d'excellentes expériences. Je ne le nie pas, on s'entend bien. Mais il y a quand même un certain nombre d'entre eux, enfin, ce qu'ils ont surtout retenu de ces pays-là, c'est la chatte, quand même, hein, tu vois. C'est bon. Bon. Donc, je sais pas si on peut bâtir des théories politiques là-dessus, en fait. Je suis pas certain du tout. Il y en a qui pensent que... voilà. Alors bon, voilà, bon, c'est... Est-ce que quelqu'un veut enfin, continuer cette discussion, ou bien on conclut là-dessus? Bon voilà, enfin, je sais pas si on a vraiment abordé tout dans le détail, ça me paraît peu probable. Bon, moi j'ai un peu ce problème-là aussi. Alors j'ai un problème, en règle générale, avec les gens qui bloquent sur l'autocritique. Moi je trouve que dans notre émission, bah, en règle générale, on est pas tendre avec les Français. Honnêtement, je veux dire, on est pas gentil, quoi. Je veux dire, ni avec les mecs, ni avec les filles. Enfin bon, voilà. Et en fait, on parle assez peu finalement de pays, je sais pas, comme l'Ukraine. Bah, c'est la première fois qu'on en parle vraiment, ou d'autres. Enfin voilà. Mais j'ai remarqué que quand on parle de pays comme ça, tout d'un coup, il y a un putain de blocage mental et on a des types qui arrivent et qui nous sautent à la gorge parce que un tel a un grand-père polonais. Alors là, ça ne va plus, c'est fini, c'est la fin du monde, voilà. Et d'autres, c'est parce qu'ils ont un grand-père espagnol, quoi. Alors, moi, je suis très à l'aise avec ça. Parce il y en a, c'est parce qu'il y avait une grand-mère qui est passée par Auschwitz, alors voilà. Ça se ressemble fortement, hein, tous ces reproches. Hein. Il y a quand même quelque chose. Tu penses à Michel Drac, là, avec son grand-père moi, mon grand-père, si tu veux, il s'est tapé 50 prisons en Allemagne. Enfin, en prison, il s'est tapé 50 stalags en Allemagne à revenir pieds nus en pesant 37 kilos grâce à l'intelligence polonaise, tu vois. Ouais, les types, donc ils ont eu leur état secret. À partir de rien, voilà, on leur a filé un truc. En moins de 20 ans, ils se sont démerdés pour aller faire chier l'Allemagne. Non, mais tu passes pas ta route ici. Voilà, tu relis pas la pouce. Oui, c'était, ils ne voulaient même pas. En 20 ans, quoi. Les mecs ont leur pays, en 20 ans, bon, ils foutent le feu à l'Europe. Donc, et puis après, ouais, on a été victime d'Adolf Hitler. Quoi. Oui. Commence par t'excuser déjà, puis après on commencera à parler. Ça me va. Oui. À la semaine prochaine, chers amis. Et en avant à l'Est. Varsovie a rendu hommage aux insurgés contre les nazis. 70 ans après, une cérémonie émouvante s'est tenue vendredi dans la capitale polonaise en mémoire de ceux qui se sont battus pour la liberté contre les forces de l'ombre.